Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Aïe. Fait qu'on est vraiment le 14? Ouais. C'est fou, hein? C'est quoi? Attends, approche ça du micro, là, puis je vais entendre. Mets ça front, micro front, big. Mets-le devant ton micro. Mets-le devant le micro, puis fais jouer. Alors, parle du début, Joe. Donne-le à Alex. C'est un Snapchat. Ah, c'est un Snapchat. Ok, go. Tantôt, puis c'est fini. Non, hey, on peut le réécouter une deuxième fois. Il y a une règle dans Snapchat à Star. Double tap to reply. C'est une live story ou quelque chose. Ah, c'est ça, c'est juste les live stories qu'on peut réécouter. Mais si j'ai compris, il nous pète à Mortal Kombat. Il nous pète à Mortal Kombat. Qui nous pète à Mortal Kombat? Putain. Sur Snapchat, c'est... KillerBeats666. Yo, KillerBeats, viens nous rencontrer chez Papa Cassette pour les soirées arcade rétro gaming à Montréal. Je suis down, tu nous montres comment hot-quêter, esti. Ça c'était bizarre. Fait que mardi 14 avril 2015, bienvenue à cette 58e édition du Geek Collectif, le podcast version 2.0 ce soir. Premier juron, saison 1 qui est all day every day, hein. Avec moi ce soir, accompagné comme à l'habitude, monsieur Jonathan Milter. Bonsoir. Salut, bonjour. Bonjour. Intemporellement. Certainement. Ouais. Hey, peu importe l'heure de la journée, ben oui, on est là quand même. Il y a du monde même qui déjeune avec nous. Exactement. Accompagné aussi de monsieur Eric. Salut. Bonjour Eric qui écoute le podcast le 2 décembre 2018. Non, mais ça va arriver. Là. Tu connais-tu personnellement? Ou... C'est lui. Moi. C'est toi. Oh, il est en retard demain. Je me parle dans le futur. Si tu t'écoutes pas le 2 décembre 2018, puis t'as écouté le 3e, tu sais, le 3 décembre, parce que t'étais à sa brosse la veille, là, je viens de te le dire. C'est bon. Et en grande première ce soir, la nouvelle équipe du collectif, je pense qu'on va leur donner une bonne main d'applaudissements. Écoute... Quand je dis une bonne main d'applaudissement, c'est-tu bonne ou applaudissement que vous comprenez pas? Je sais pas, je suis low clap. Excellent. Guillaume Hamel. Salutations. Bienvenue dans l'équipe du collectif, Guillaume. Merci. Fait que comment tu te sens pour ta première soirée de podcasting avec nous autres? Ben, j'ai triché un peu. Si je veux parler avec l'univers de la BD, j'ai eu un cameo. Puis là, c'est mon first full featuring, mon first full appearance. Donc là, aujourd'hui, ça va avoir plus d'argent. Ouais. C'est officiel. Je me sens très bien. Ça va peut-être sentir mauvais, là. Mais ça, c'est de la sueur ou autre. Là. Non, c'est une blague. Ça fait pas si chaud que ça. C'est pas du stress. C'est pas du stress. Non, ça va bien. Je paye pas le chauffage, fait que t'as... On va être clair. Et Alex Gréco avec nous ce soir. Salut tout le monde. Salut Alex, l'anglophone de service. Non, c'est pas vrai. Je suis pas anglophone. OK. C'est un rumeur que j'ai entendu sur l'Internet. C'est juste des rumeurs. Il fait semblant pour être cool sur Facebook. Ça fait augmenter son clout. Ouais. Quand il marque EN dans sa description, là, il prend au moins 50 points de clout. Il s'est dit qu'avec un accent anglophone, ça serait un genre de lien avec Murphy Cooper qu'un non anglophone, de pouvoir genre avoir un genre de Six Pixels of Separation, mais eux, il y aurait genre le... Attends, t'as-tu vraiment dit Six Pixels of Separation? Oh, mais lui, il comprend très bien pourquoi. Ouais. J'ai peur de demander c'est pourquoi. C'est un meta inside. Ok, c'est un meta inside. C'est super comme il y a des metaception. Seulement eux et deux autres personnes sur la Terre peuvent comprendre en espérant que c'est des auditeurs. Dont un Jonquière. On n'avait pas eu un sondage du show qui disait on avait trop d'inside. Non, mais c'est pas un inside tant que ça, honnêtement. C'est le titre d'un c'est livre. Meta inside. D'une personne que certaines personnes autres connaissent, mais On va arrêter cela. Pour éviter les malaises. C'est un méga lien, là. Donc, pour les gens qui sont avec nous en ligne lors des enregistrements, ben, vous allez avoir le bonheur, le plaisir de pouvoir converser avec Alex, qui va répondre à vos questions et parfois, probablement, créer un malaise en coupant quelqu'un dans l'élan de sa conversation pour pouvoir nous mentionner vos points pour qu'on puisse interagir. Merci, Alex. C'est vraiment faudrait, cool. Faudrait qu'il y ait un buzzer pour dire il y a une interaction du public. On y met un buzzer comme ça. C'était qui ou quoi, ça? Qui a fait ça? C'était pas moi. J'ai un tape-pack qui vient de créer. Ça sonnait comme un mix entre Bert et Bill Cosby, genre. Avec un morse en rut. Avec un latte en moins. Fait que, écoutez, on a une... seal shitting. OK. Donc, je reprends le contrôle de l'émission. On va débuter avec la tradition du collectif. On va faire un tour de table pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre actualité, messieurs. Qu'est-ce qui se passe de bon avec vous ces temps-ci ou qu'est-ce que vous avez fait? Bon est très relatif hein, dans l'actualité. T'sais, c'est bon pour vous, mais ça veut peut-être pas dire que c'est bon pour tout le monde non plus. Donc, on a aussi une autre ligne directrice. On va essayer de se limiter à 5 minutes chacun. Donc, pour les gens qui nous écoutent, ligne directrice, 5 minutes. Donc, qui voudrait... Ça compte-tu le dérapage que quelqu'un cause? Ça? Oui, oui, le 5 minutes inclut le dérapage. Okay. Donc, par le respect de vos collègues, je vous demanderai, on va attendre que la personne explique, puis ensuite, on va essayer de le ridiculiser en bombardant puis en amenant ça totalement dans l'autre direction. Donc, qui voudrait briser la glace? Alex? Non. Moi je vais le faire. T'as toujours Xbox? Ben oui, puis je t'en parlerai probablement pas. Hein? Allez vous acheter un 649. Hein? C'est la première fois, je pense, en 50 ben, épisodes. Ça fait un bout, là, ouais. Là. Mais là, je sais pas, j'ai pas rien vraiment de spécial que je joue ces temps-ci, plus que d'autres choses. Les jeux gratis sont pas si hot que ça sur Xbox One. Puis c'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que... Puis là, en plus, Eric, il y a la cassette, le CD devant nous de Mortal Kombat. C'est même un Blu-ray, maintenant. Un Blu-ray, hey, appelons ça comme que... Qu'est-ce que c'est? Un Blu-ray sur Xbox, André, jamais. Utiliser les bons termes. Mais je voulais juste dire, bien vite, pour rectifier, comment qu'on peut dire ça, l'image du podcast et tout, parce que André, il est allé faire un tour à l'épisode... c'était quoi le numéro? Tu te souviens-tu? Un épisode spécial de Trois bières. 139. Je me souviens pas. Le dernier, c'était avec le gars de la revanche des nerds. Il se rappelle même pas avoir été. En tout cas, un épisode de jeu vidéo de Trois bières, d'où j'écoutais et André a mentionné... ne pas vraiment avoir joué à Mortal Kombat dans sa vie et tout. Puis ça a comme un peu, je pense, terni l'image du reste du monde parce que le monde a utilisé des sophismes et ont fait de l'association immédiate en disant « Pouf, Geek Collectif, joue pas à Mortal Kombat ou ne jouait pas. » Mais et le gars des nerds, il pense que Cruising USA, c'est fait par Sega. Fait. Ouais, ben ça, c'est correct aussi. Là. Okay, ouais, mais il travaillait dans la revanche des nerds. Mais USA, c'est pas fait c'est par tout, Sega. Tout ça après. Pour dire que les quatre autres personnes dans le podcast jouent à Mortal Kombat ou jouaient à Mortal Kombat. Super. Fait que on veut rectifier notre image. Ben même ce soir. 80% du podcast. Là, on l'a. Là. Fait qu'on va jouer une tantôt. Aparté. Go. J'ai été initié à Mortal Kombat dans une arcade bootleg. Exemple, c'était un computer de Mortal Kombat dans une espèce de cabinet d'un autre arcade au Million Comics sur De Laurentides du coin Sainte-Rose. C'était ghetto, mais c'est là que j'ai été initié au finish film les plus j'ai été mémorables. Initié dans le coin d'un club vidéo louche de Tarbonne. Fait que... Okay, ben là, puis lui, il parle pas de Mortal Kombat. Là. Mais si on non, initié tout court. Mais si on fait ça, moi, c'était un donut shop à MacArthur Plaza en Vanier, à Overbrook, en fait, à Ottawa. C'est qu'à Ottawa, il y avait des arcades et des donut shops. Ben non, mais comme dans le temps, il y avait des arcades dans des dépanneurs. Des arcades partout. Des arcades partout, là. Je veux dire, tu trouvais une comment t'appelles un laundromat, là, avec une bonne arcade, tu y allais, là, pour faire ton linge, mais pour jouer au jeu. Ce qui est cool, c'est qu'Alex comprend 75% de la conversation présentement. Mais là, c'est 5 minutes. C'est 5 minutes à Milter. Fait que je veux pas qu'on y aise trop avec ça. Effectivement, donc Milter. C'est ça. Là, c'était juste pour rectifier notre image du collectif. Là. Puis l'autre affaire que j'ai faite, mais j'ai commencé à écouter Daredevil sur Netflix. Avant qu'André, parce que je sais qu'André, ben, tout le monde a pas mal écouté, je pense. En tout cas, Guillaume l'a écouté. Y a-t-il quelqu'un qui a pas écouté? Ben, j'ai écouté les premiers 20 minutes, puis j'ai Alex, changé d'autres choses. Baisse ta main. Mais que j'ai trouvé drôle là-dedans, c'est le gros hype pour Daredevil. Ouais. Puis j'aime la série, là. La série est très bonne. Je pense que toi, tu vas pouvoir en parler. Fait que tu prendras un peu de temps pour en parler exact de la série. Mais que je trouve drôle face à ça, c'est que depuis longtemps, et même avant le film de Ben Affleck, le monde était comme « Who the fuck is Daredevil? » Puis quand ils savaient c'était qui, le trois quarts et même, je dirais, jusqu'à 90% du monde disait comme « Who fucking cares the Daredevil? Je l'aime pas. » Puis, tu sais, c'était de la merde, le gars. C'est quoi son pouvoir? Moi, j'aime un peu le gars. C'est pas mon préféré, je dois avouer. Mais j'écoutais l'épisode 1 avec mon fils. Mon fils de 11 ans. Puis okay. Il me regarde, non... Pas celle, j'ai checké celui avant où ton fils celle joue de 4 ans. Mais j'ai checké avec mon fils de 11 ans, puis il me regarde un moment donné, puis il me pose une question, là, ben legit, là, puis il me dit, c'est quoi son pouvoir à Daredevil? Puis là, vu que j'étais un peu concentré, j'ai regardé, puis j'ai dit, ben il est aveugle. Puis je me revirais, puis j'ai continué d'écouter l'épisode. Fait que là, 5 minutes après, il est revenu me voir, puis il me dit, c'est pas un pouvoir, ça, être aveugle. Ça aurait pas été pire, tu sais, il aurait pu venir te voir, puis te dire, moi, un jour, papa, là, j'aimerais ça être avec. Moi, un jour, je vais être comme Daredevil. Qu'est-ce que je viens de faire? Mais j'espère juste qu'il a pas vu l'épisode où on voit genre des os protubérés. Genre non, il a juste vu le premier. Après, il est allé jouer dehors. Là, ça, il tentait plus. Là. Mais... T'essayes-tu de dire que tu trouvais Daredevil cool avant, puis là, tout le monde pense qu'il est cool? Ouais, je suis comme un hipster de Daredevil. C'était juste ça que je voulais dire. Tout le monde sur le hype train du Daredevil. Mais je trouve ça juste drôle, le hype train qui sort de nulle part, sérieux, pour tout le monde. Je vais binger la série, puis tout, qui est très bonne. C'est le même là. Tout le temps, là, sérieusement. Mais là. Pas tout le temps. Va-t'en au Colossus à Laval, là, le vendredi qu'un film sort. Je vais pas là. Puis tu vas voir, là, tu rentres dans la salle, là, comme Spider-Man. Tout le monde 1, est hype. Tout le monde est comme, oh, Spider-Man's my favorite hero. Ok, bon, c'est. Ça a été qui ces deux blondes? C'est normal, c'est juste une question de happening, puis le monde veut s'associer à ça, mais ils connaissent rien. Mais je trouve ça juste drôle, le gros buzz médias sociaux qu'il y avait. Mais on s'entend quand même que Ben Affleck, puis. Je veux dire, le film a un peu tarni l'image cinématographique. Il a pas aidé. Du tout. Mais même avant ça, il a jamais vraiment été aimé Daredevil. Ça l'a créé un Hollywood power couple. Mais tu sais, tout le monde sait que la meilleure blonde de Spider-Man, pour répondre à Guillaume, c'est Marie-Chantal Blouin. Ouais. C'était pas Elektra? Mais juste une petite parenthèse pour ramener ce sujet. La parenthèse, je veux dire, une parenthèse dans la parenthèse. De la parenthèse. Fait qu'on parle du film. On parle du film de Daredevil, en fait. Mais tu sais, faut se mettre à l'époque où Daredevil est sorti. On se rappelle qu'il y avait Elektra, Catwoman, il y avait des Batman. Tout ce qui sortait basé sur des BD dans ces années-là, c'était de la grosse marde, là, pour être poli. Il y avait Batman Begins. Non, Phantom. C'est après. Batman Begins, c'est plusieurs années après. C'est le gars. Non, c'était même pas un an après. Le gars en mauve, là, Phantom. Ça, c'était tout en train de revenir. Daredevil puis Elektra, c'était comme les derniers films mauvais de l'histoire de Batman. Je pense qu'on oublie. Quand est-ce que c'est arrivé puis quand est-ce que Batman est arrivé parce que c'était à peu près en même temps. Mais Batman Begins a comme ouais mais ça a franchi fait, une ligne c'est ça. Ça a été comme that's enough on arrête puis là toute la procédure de la qualité a commencé. Mais tout ça pour dire que la série sur Netflix à date est bonne je pense que. Écoute moi j'ai resté surpris par Daredevil parce que c'était un peu mon actualité cette semaine aussi où je voyais. C'est pour ça que je voulais pas trop rentrer dans la série mais plus parler du hype personnellement. Comment je peux dire ça? Daredevil, pour moi, là, c'était pas... J'ai jamais trippé Daredevil. Puis même encore, la série est fucking cool, mais ça aurait pu être Blank Man avec un des frères Wayans, qui met dans cette direction-là artistique, puis j'aurais trippé autant. Blank, j'imagine. Je viens de faire... Ouais, non, c'est ça pourrait pas lourd. Être ça pourrait pas être Blank Man. Non, mais... C'est super cool. Les chorégraphies me font capoter quand ils se battent. Là, c'est bien fait. Il y a une scène où c'est un plan continu dans un corridor, puis... Épisode on en dira 2. Pas trop, hein. Ouais, mais c'est ça, je spoil pas trop, même. Mais écoutez, portez attention épisode à la chorégraphie 2. Dans l'épisode 2, je suis pas loin dans la série. Là. Il y a aussi l'épisode dans Ruelle, je pense que c'est le 3 ou le 4. Il y a beaucoup de Ruelle, je dis ça de même. Ben, tu sais, écoute, regarde, c'est Hell's Kitchen. Ben, c'est Max Payne. C'est... Il y a juste moi qui attends que Gordon Ramsay sorte de quelque part, un moment donné, là-dedans, qui insulte quelqu'un. Mais, regarde, c'est vraiment bien fait. Puis moi, il y a un props que je veux faire, parce que c'est un ex... Netflix, wow boy. Hein? Netflix original content, mais tu sais, à chaque fois que j'écoute de quoi sur Netflix, j'ai tendance à faire c'est en français, c'est en anglais. Parce que quand je veux le référer, mettons, quelqu'un de mon entourage, tu sais, ouais. Hey, écoute ça. À ta mère, j'ai des gens qui n'écoutent pas en anglais. Anglais, français, espagnol, Je pense qu'il y a même du russe. Là, tu sais, comme, oui, Daredevil, là, les pistes audio qu'il y a dessus, là, puis c'est accessible, sous-titré. Je vais le dire à mon gars, justement. Mais faut juste pas être difficile, honnêtement. Je l'ai essayé hier. Hein? Moi, je l'écoute tout en anglais. La qualité hier, des j'étais voix, chez un ami. J'étais chez un ami, puis je gardais. C'est aussi pire que la traduction de Boys in the Hood. Non, mais t'as-tu écouté la saison 1 des Simpsons? T'as-tu écouté la saison 1 des Simpsons en français? Qui est sorti, ben oui, ben oui. Vézo qui est sur le chat va savoir très bien de quoi je parle. Quand il va en France. Oui, non, c'est la saison 1 des Simpsons qui a été traduite sur DVD, a été traduite en France. Ouais, mais c'est, puis, ouais, c'est mauvais. Honnêtement, mais sauf que je suis biaisé, j'écoute tout en anglais. Ben c'est ça. Puis, je veux dire, ça aurait pu être traduit à la française standard slash québécois, là, ou tu sais, film international. Mais malheureusement, j'ai pogné un bout, puis les oreilles me saignaient. Je l'aurais écouté en anglais de toute façon. Mais ce qui est cool, c'est faut juste pas être difficile. Au moins, c'est accessible. Ouais. Puis, tu sais, les personnes, tu te dis, faut pas être difficile. Nous, on va l'être, veux, veux pas, parce qu'on va l'écouter toujours en version originale. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de gens que l'anglais, ils l'écouteront pas, ils le comprendront pas. Puis, je suis content parce que ça, c'est le genre de truc que je pourrais suggérer à ma mère. Ouais, non, c'est cool. Parce qu'en plus, c'est que c'est pas un super-héros. Tu sais. Il y a une bonne intrigue aussi, je trouve. En tout cas, moi, l'intrigue, de, je ne vais pas spoiler spécifiquement, mais l'intrigue, juste l'épisode 1, là, il y a comme un certain complot que tu vois qui est assez évident. C'est pas un spoiler, là, mais tu sais, parce qu'il ne faut pas oublier que Daredevil, c'est pas juste un super-héros, c'est un avocat. Fait que tu sais, il y a un côté... je veux pas, pour certains, ça va avoir de l'air poche, là, mais tu sais, drame judiciaire qu'on dit. Ouais, ou... le drame des lois. C'est comme le Law and Order des films de super-héros. Parce qu'il y a un petit côté. Ben, pour monsieur, madame, peu... tout le monde aussi. Là. Non, mais c'est ça, mais il y a une histoire de côté de case, d'avocat. Ouais. Mais les deux autres choses qui m'ont marqué beaucoup aussi, portez attention au dialogue. Il y a des belles références du MCU là-dedans, du Marvel Continued Universe, dans le fond. Là. Il y en a juste une, puis je veux pas faire un spoiler à ce moment-là, mais tu sais, il y en a un qui dit, non, il dit, c'est quoi, tu veux-tu avoir un marteau magique ou un suit en fer, toi, pour te défendre? Fait que tu sais, c'est un peu les genres de beaux petits clins d'œil, mais ce que j'aime, c'est que Daredevil est accessible aussi pour les gens qui aiment pas les super-héros trop flyés puis tu t'inquiètes. Ils tirent pas des lasers. C'est là, ça. Ils ont pris Daredevil puis ils en ont fait un genre de Batman. Tu sais, il est pas fortuné, il est pas... Ben, techniquement, il va le devenir si on se fie à la vie là, de lui, là, son histoire. Là. Mais non, c'est ça. Fait que dans le fond, les clins d'œil qu'ils font à l'univers de Marvel au complet, le fait que c'est accessible... L'event qu'il parle d'eux dans la première émission, parce que j'ai juste vu la première, mais il parle The de l'event. Incident. Incident, c'est l'affaire de The Avengers. The Avengers, oh, ouais, c'est les gros dragons. C'est la même référence qu'ils font dans... Agents of S.H.I.E.L.D. pis tout ça, Mais Agents of S.H.I.E.L.D. C'est pour statuer que ça se passe après Avengers. Ouais, c'est cool en Chris, ça, mais c'est cool parce que c'est accessible, c'est réaliste. C'est le plus réaliste des Marvel que j'ai vu à date. Mais je suis content en fait qu'ils font la manière que Marvel s'occupe du MCU dans les films, dans la télé. Je trouve que c'est tellement bien fait. Puis ça paraît, on est comme dans une époque où ce que les gens qui font des séries comme ça puis qui gèrent des séries comme ça, mais c'est plus juste des suits qui veulent faire du cash. C'est du monde passionné. Qui sont des suits qui veulent faire du cash? Qui veulent faire du cash. Mais ça paraît que c'est du monde qui savent c'est quoi. C'est pas comme le vieux big wig là, à Warner là, qui est comme « Super-hero, make a movie, bing, bow, bow, make money, blah, blah, blah, sell some toys. » Non, là, il y a vraiment du voix du monde qui prennent ça au sérieux. Puis je pense que c'est ça un petit peu le changement. Là, c'est que les gens qui ont trippé ces super-héros-là, sont dans des positions de pouvoir maintenant. Ils peuvent faire des choses intéressantes. Ben, je pense... On est vraiment chanceux pour ça comme fans. Je pense qu'ils savent que s'ils veulent en vendre aujourd'hui, il faut qu'ils respectent le consommateur. Puis le consommateur, s'il l'haït, là, il la jettera plus ta saison TV. Ta saison TV, elle va arrêter après deux. Puis en DVD, ils vont en sortir une. Elle vendra tellement pas que l'autre n'existera pas. Là. Fait que s'ils veulent vendre du produit, vendre de quoi, puis que ça dure longtemps, puis que ça devienne du fan, sans dire fan service, là, mais tu sais, quelque chose de un must. Ouais. Parce que le vrai fan va acheter ça en DVD. Là, il va le manger. Tu veux un beau box set, ça serait écœurant. Ah ouais, mais tu sais, toutes les. Vu qu'il a mentionné Agent of S.H.I.E.L.D. puis tout, là. Cool. Toute la gang. Là. Fait que dans le fond, Daredevil, on vous recommande d'aller l'écouter sur Netflix. Exactement. Ça va valoir la peine. Sinon, ben, vous pouvez attendre, j'imagine, ça va être disponible aussi également en Blu-ray ou peu importe. Ouais. Mais ça vaut la peine de l'écouter, Daredevil. Eric, Oui, qu'est-ce que tu fais de beau 5 minutes, Milter? Vraiment, j'ai. En fait, on a jumelé nos 5 minutes. Lui, il avait les 5 minutes de l'heure. C'était un jumelé. Ok, mais ben, je l'avais même pas vu, ça. Félicitations. Moi, il n'y a pas grand-chose. On ne parlera pas de fucking mortel que j'ai des mains, que je peux pas jouer. Puis tu n'es pas de même, donc. Mais je vais jouer. Inquiète-toi pas, c'est correct. Mais j'ai hâte en crise de jouer. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de jouer. Moi, j'avais vraiment juste deux petites nouvelles. Non, vous voulez pas, Milter. Dans le fond, j'ai joué, j'ai embarqué sur un petit trip de RPG à l'américaine dernièrement. J'ai fait une trentaine d'heures d'un jeu fucking cool, man. C'est Pillars of Eternity, que nice. J'ai suivi pendant quand même longtemps, mais j'avais pas participé au Kickstarter. C'est un jeu fait par Obsidian, que si vous saviez... C'est eux autres qui ont fait les Baldur's Games. Ben, puis... Non, mais Obsidian, ils ont toujours été le genre de... Comment je pourrais dire ça? C'est comme un peu le Raven de l'industrie. T'sais, Raven Software pour Atari qui font toujours des suites pour eux autres. Ils ont rarement leur propre projet. Mais eux, ils ont toujours fait comme leur premier jeu, c'était Knights of the Old Republic 2. Puis depuis ce temps-là, ils ont toujours été connus comme des gars qui étaient bons à travailler avec les engins de BioWare. Ils ont fait bien des jeux suivis par ça. Neverwinter Nights 2. Je pense qu'ils ont fait un IP original, c'était Alpha Protocol. Ils ont fait South Park. Cool. C'est eux qui ont fait South Park. Stick of Truth. Puis vraiment, au niveau du RPG, ces gars-là, c'est vraiment... Cette équipe-là, ce studio-là, c'est l'exemple parfait du studio US RPG. Comme, je ne sais pas si vous comprenez quand je veux dire US RPG, mais pense à les Baldur's Gate, à les Plains... À les, coudonc, Planestorm. Il y avait là, dans le temps aussi Planescape. C'est juste un RPG vraiment écœurant. Puis ce jeu-là, Pillars of Eternity, c'est tellement un hommage à tout ce qui est les années, le PC RPG gaming de l'époque, qui est très true. 1998. Ouais, mais aussi, c'est des jeux qui sont très, très honnêtes à le style de Dungeons and Dragons, où que quand tu joues ton jeu, tu as des décisions qui ont des impacts. Tu peux être en train de te battre contre des bébites à chaque temps en temps, mais à chaque moment, t'es allé dans un village, t'as carrément des vraies conversations qui se passent avec des personnages dans le village qui peuvent te changer. Pis c'est beau en plus le jeu dans un look comme de ce style-là. Tu vois que c'est vraiment un match. C'est une vue isométrique. Isométrique du haut. Puis c'est drôle que tu dis isométrique. Faut que je dise mon anecdote vite fait. Isométrique, c'est quoi? C'est comme Diablo. Ouais, c'est comme Diablo. Ok, juste, non, mais juste être sûr. Puis pour le monde qui le savent pas, là. C'est parce que je vais te dire dans mon anecdote, on est au Subway. Puis non. Juste avant de venir ici, puis une fille est en train de parler avec le dude. Puis elle est en train de parler au Subway, puis elle est comme I only like third person games. Puis comme, oh, you don't like playing first person games? No, I only play third person, like League of Legends, like Diablo, blah blah. Third person is the only way. Moi, je suis en train de prendre ma commande, puis après que je paye, je suis comme, by the way, it's isometric. Anyways, ça c'était moi qui t'ai décalé. Ok, mais ça c'était au Subway à côté ici. Ouais. Est-ce qu'elle savait que tu parlais encore de jeu? Ouais, elle a compris. Elle a compris, puis t'as même le dude qui a parlé avec, qui est comme, oh, you've just been had. Attends, c'est-tu les employés, ça? C'était les employés. Parce que, mec, j'y retourne. Oh man, on va se parler offline, puis je vais essayer de faire comme un segue, mais genre deux semaines après, puis t'inquiète. En passant, fille. C'est isométrique. C'est ça, c'est la jeune fille. Anyways. Je vais prendre mon fromage isométrique, s'il vous plaît. Oh. Fait Pillars of Eternity, c'est un absolute must pour n'importe qui aime des jeux de fantasy, des histoires incroyables. Est-ce qu'il est gratuit? Comment il est ça pas marche? Gratuit. Ça doit être un Steam. Je veux pas encourager, parce qu'on comme on parlait de la règle énorme du de le piratage, mais c'est un jeu qui a été comme vraiment payé par une communauté. Des millions de dollars ont été mis dans le jeu par des gens. Je pense que c'est comme 77 ou 80 000 personnes qui ont payé dans le Kickstarter. Ça fait des mais je voulais pas encourager le piratage. Je voulais savoir si c'était un free la to play. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que eux, c'est ce genre de jeu qui est ouvertement disponible. Ouais. Donc, tu peux payer pour, mais il est ouvertement disponible aussi. Il n'y a pas de DRM de ces jeux-là. Est-ce que, Eric, est-ce que c'est le genre de jeu? Là, pay what you want. C'est juste pour te faire un petit parallèle. Ben, tu vas payer pour. Tu veux payer pour ce jeu. J'ai essayé de retomber dans certains RPG. Puis je devais lire les conversations. Puis on dirait que la société moderne m'a rendu paresseux où ça si marchera j'ai pas pas de pour voix, toi. J'ai de la difficulté avec ces RPG-là. Ça marchera pas. Mais non. Ça marchera pas parce que faut que t'aimes lire l'histoire. Faut que t'aimes lire une histoire fantastique. Puis c'est ça que c'est, ce jeu-là. Pillars of Eternity, là, il est vraiment, vraiment bon pour ça. Ben, moi, je suis d'accord avec toi que tant qu'à lire des longs textes, ça me gosse. Que ça soit bon. Ouais. Mais si c'est des petites phrases là, puis tu fais ci, tu fais ça, puis tu Non, c'est pas ça. C'est comme lire un roman. Ça, je veux dire. Si c'est trop, c'est, pour moi, c'est autant qu'écouter un cutscene de 18 minutes là, quand c'est comme fuck off. Ça peut être bon, c'est divertissant, mais moi, j'aime lire j'aime lire des livres fantastiques, j'aime lire des livres. Ouais. Fait que si t'aimes lire un livre, puis t'embarques dans une histoire, puis on a déjà lu les livres dont vous êtes le héros, ou déjà joué à du Donjons et Dragons. C'est un jeu qui pelte à une belle main ouverte avec plein de bonbons dedans, puis qui dit « mange dans ma main » puisque c'est tout ce que c'est. Fait que dans le fond, c'est un jeu qu'on doit essayer si on est un tripeur des RPG. Absolument, là, c'est quelque chose. Pillars of Eternity de Obsidian. Il est disponible pour environ 44$ sur COG Games, sur Steam, sur pas mal n'importe quoi. C'est PC uniquement? PC uniquement, je le verrais pas. C'est le genre de jeu que je verrais même pas. Nos amis qui jouent avec une pomme, est-ce qu'ils peuvent l'essayer aussi ou... Qu'est-ce que tu dis? Il y a une pomme. Apple. Mac. Fuck Apple, man, on s'en calisse. Mais s'il est sur Steam, souvent les jeux, ils vont sortir Apple après un certain temps, c'est que c'est pas pire. Mais whatever, man. Les Québec peuvent jouer, c'est ça qu'on veut dire. Ah, de Mac Québec? Ils peuvent la pas pomme. Jouer. C'est la pomme maintenant. Un la Mac pomme. Pomme. La pomme. Shout out à Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé de bon pour tes 5 minutes de gloire? Mes 5 minutes de gloire, ils seront peut-être pas glorieuses. De ce temps-ci, moi, je suis juste mettre un petit remettre en circonstance. Je suis un genre de geek intemporel, pas juste comme dans le podcast. Je consomme souvent les choses à retardement. Donc, puis dans mon créneau qui est la bande dessinée, c'est pratique quand on lit les paperbacks. C'est que j'attends pas à chaque semaine pour avoir la petite bande dessinée, puis après ça, avoir un genre de coït interrompu, puis j'attends encore un autre mois. Fait que t'écoutes pas Game of Thrones, toi, finalement. Ben, j'ai lu les livres, anyway. Okay. Il a downloadé les 5 épisodes. Non, les ben... Non, les 4. Les 4, HBO, Eric, il le sait. HBO Now. HBO Go, je pense. Now, Go? Je sais pas. Sur en ligne. Ouais. Je l'ai pas. Ou The Movie Network. Mais non. Les autres sont en train de tenter le Netflix formula. C'est un test, là. Donc, c'est que je lis le crossover qui s'appelle Infinity dans l'univers Marvel, qui est en fait un... Je suis rendu là, au tiers, j'ai le tiers de que j'ai déjà lu. C'est un peu un genre d'espèce d'histoire qui est très galactique, dans le sens que ça va chercher beaucoup des aspects des universes, ça va chercher les Avengers, ça va chercher ceux qui ont déjà connu les X-Men, les Kree Empire, puis les Shi'ar. Puis ça va chercher plein d'affaires. Et ça inclut Thanos, qui est, si vous avez vu mon Instagram, j'ai fait une photo récemment dessus. C'est une très belle artwork dedans, c'est très, très moderne. C'est sorti l'année passée, si ma mémoire est bonne. C'est un gros... il est disponible en paperback sur Amazon et tous les gros librairies, là, Millennium Comics et tout ça. Très, très bonne histoire. C'est un peu deep. C'est comme dans n'importe quel... Je pense que ça, c'est un problème, par contre, là, de l'industrie, où si t'as pas lu toutes les BD, des fois, t'as des bouts que c'est tu cherches. C'est ce que j'allais dire. C'est très lourd, mais c'est bon. Le compendium qu'il appelle, là, le genre de... C'est comme un omnibus, mais c'est pas gros. C'est pas genre 6 pouces d'épais, là. C'est peut-être un 3 quarts de pouce. Ça inclut comme tout le prequel des New Avengers puis les autres séries qui amènent l'espèce de topic, là, le sujet qui amène tout ça pour qu'on comprenne. Et ensuite, là, dans le livre en question, c'est dans le bon ordre. Ils ont comme vraiment fait ça comme il faut. T'as pas l'impression de lire plein de paperbacks mélangés dans le, puis là, tu te rends compte à la fin que tu as lu tout ça à l'envers. Ça, c'est un gros de mon actualité. Je lis ça dans mes pauses au travail ou... quand je dépanne mes amis c'est pour garder leurs enfants. C'est pour le monde qui ont lu plein d'autres affaires Marvel déjà. Non, mais, non, c'est ben ça, si tu l'as pas lu même sur, avec le compendium. Si tu l'achètes localement, tu vas payer un petit peu plus cher parce que malheureusement, des fois, les certaines boutiques vont vendre, ils vont booster leur prix à cause du taux de change américain. Puis c'est comprenable, là, je les respecte pour ça. Je l'ai sinon, lu sur iPad l'année passée. Il l'a sur Comixology, là, sur Marvel Unlimited. Moi, je l'ai acheté sur Amazon il y a très longtemps. Puis j'avais payé ça en rabais. Là. Amazon, ils font des rebates. Là. Des rabais, excusez-moi, Denis Talbot, j'ai des anglicismes. C'est à qui tu parles? Rien, j'ai rien dit, moi. Puis, on fait juste ça, des anglicismes. Sinon, mange des cranberries. Comme tout le monde, ça, j'ai écouté Daredevil, côté gaming. Encore une fois, un peu à retardement, je suis en train de jouer pendant la Forza Horizon 2 et j'ai téléchargé la version de... Fast and Furious. C'est cool, ils ont fait ça gratos en plus. Là, gratos pour une couple de jours. Jusqu'au 10 avril, mais sinon, ça veut dire que c'est déjà terminé. Ouais, mais sinon, c'est 10$, puis t'as comme 10 chars que ça tu vaut peux la avoir. Peine. Hein? Ça vaut la peine. Ben, moi, ça me, j'ai jamais été un fan de simulation, puis ça me faisait penser au premier Need for Speed qui est sorti en 97 peut-être. premier? Non, le premier c'était avant. Ben, au PC, ça. PC Gaming. En tout cas, j'avais un Need for Speed au PC au secondaire. Il faudrait que je vérifie mes dates, mais on a tous mis nos téléphones là-bas. Ouais, t'avais Hot Pursuit dans ce temps-là. Non, c'est bien. On t'a sorti de ta zone de confort. Là. T'es comme coupé de ta manière de vérifier les faits. Mais le Fast and Furious, là, moi, je l'ai joué. Non, mais joué Need for Speed, ça me fait vraiment penser un peu à ça. Parce que tu fais juste. Tu bumpes l'autre dans le cul, puis ton char il est tout bumpé, mais tu continues à avoir du bon traction. Ça va bien. Ah, c'est comme Automodelista. T'es Paul Walker, tu continues à driver ton non, char. Non, c'est ça, ça va super bien. Rip. J'étais trop proche en disant Paul Walker. Ta barbe fait de l'effet. Ce qui me fait rire un peu du Need for Speed, pas du Need for Speed, mais Fast and Furious, c'est qu'ils ont réalisé qu'ils faisaient des jeux, qu'ils seraient pas capables de faire des jeux, fait qu'ils feraient juste des jeux poches de Fast and Furious. Fait qu'ils ont juste envahi d'autres jeux. Ouais, moi je suis pas contre. Non, mais tu l'as dans Horizon, puis je pense qu'il va y avoir un Project Cars. Ouais. DLC de Fast and the Furious aussi. Mais les DLC de ça va vendre plus que des jeux. Mais je pense qu'ils ont compris la game, là, ils se sont bien approchés. Parce que mais Fast and Furious Legends au iOS puis Android, il est le fun aussi, mais pas aussi cool. Là, mais tout ça pour dire que j'ai tellement joué que j'ai comme arrêté de vivre dans tous mes autres projets on the side que je fais. Ils ont pris de bord. Est-ce que ton enfant a été nourri? Non, ça c'est pas un projet on the side. Okay, c'est pas sûr. Là, ouais. C'est que ma vie amoureuse, attends, ma vie familiale. Je faisais référence au Carnegie. Au Québec, les parents et les enfants ils meurent de faim parce qu'ils jouent à Forza, pas à World of Warcraft. Moi, j'haïs les jeux de char. Mais j'aimais pas ça avant Forza. Moi, j'haïs encore ça. Forza Horizon. Horizon, ouais. Puis probablement que j'ai ça encore plus à cause de Forza. T'as pas dit non à tes achievements. Mais je l'ai downloadé gratuitement parce que mon ami et auditeur Guillaume Gumby Simard m'a dit que le jeu, il dit j'ai joué 5 minutes puis j'ai eu 100 points d'achievement. Fait que moi qui étais une pute à achievement, j'ai dit hey, wow, je vais jouer 10 minutes. T'sais. Fait que là, j'ai vu que les points ils stackaient. Fait qu'en gros, j'ai joué une demi-heure puis j'ai fait 330 points sur un jeu gratis que j'ai délité avant le 10 avril parce que je voulais être sûr de ne pas le payer. Puis c'est ça, c'est des points gratis. Mais je veux juste dire que j'étais une pute à achievement. On savait. Mais c'est leur mentionnais pour être certain. Internet que... le savait. C'est ça qui faisait le tour de mes actualités. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous, Guillaume. Alex, t'as-tu fait de quelque chose cette semaine? Oui, c'est peut-être... C'est moitié actualité, moitié question. Moi, j'ai rendu à le point que j'ai game overdose. En français, s'il vous plaît. OK, fait que j'ai très bien compris, Alex. T'es plus capable de jouer. T'as c'est trop comme, joué. C'est game... Non. C'est comme moitié hoarding. Fait que j'ai acheté plein de jeux. OK. Puis, je me réveille samedi matin. Je pense, OK, aujourd'hui, je vais jouer ça. Non, ça. Non, ça. Puis, à la fin, je joue à Sims. Oui. Sims ne fait pas partie des side projects. C'est ça que j'ai fait. Mais l'autre jour, samedi, j'ai resté sur mon sofa puis j'ai regardé YouTube sur Chromecast toute la journée. Des ou du Playroom sur PS4. Ou Play... Ouais, ça, c'est les soirs. L'action sur Playroom, c'est les soirs. Ouais, mais c'est le soir à quelque part dans le monde à n'importe quelle heure de la journée. Hein. Ouais, mais c'est pas partout dans le monde qui a une PlayStation 4. Tu pourrais être surpris. Donc, c'est Brésil, ça. Dans ce que tu me dis, Alex, c'est trop de choix, c'est comme pas assez. Trop de choix, mais je joue rien. Je te comprends parce que c'est comme quand je check Netflix avant Daredevil que je me promène puis je suis comme ah ça je pourrais l'écouter ça a l'air plate ouais. Chance t'as pas Netflix. Ou l'autre ça, côté je aussi le rajouter à ma liste, ah il est pas au Québec on l'a pas au Canada ouais. Ah, ouais, ça, une chance qu'il y a pas de Netflix américain ils ouais. ont fait un joke je pense sur c'est Funny or Die moitié drôle ils ou crève ils ont fait un joke sur Netflix qu'ils offrirent un service que tu peux juste browser les titres au lieu d'écouter parce qu'il y a du monde qui fait ça ils juste oh, peut-être ça 99 peut-être sous ça, par mois tu peux juste browser mais juste, rien écouter ouais. Puis and argue with your family de what to watch c'est pas ça eHarmony ou Tinder c'est ça l'application de l'année 2014 Tinder. Selon le collectif puis selon mais j'ai essayé de jouer le nouveau expansion de Sims 4 et City Skylines c'est quoi l'expansion j'ai... juste pour la fin l'expansion il enlève toutes les fenêtres les portes les business il rajoute les foyers c'est get to work ouais. Parce que c'est ça que je veux faire je veux travailler toute la journée retourne chez moi puis travailler avec mes Sims comme un travail comme comment dire ça un genre de side project de Sims. Là. C'est comme, là, il se passe une petite business dans ton jeu. Exactement. Il peut faire un business, il peut travailler comme médecin, scientiste. Est-ce qu'il peut prendre une dépression? Oui. Est-ce que sa femme peut le laisser? Je pense que c'est possible qu'il peut mourir. André, c'est pas le temps de nous parler de tes péripéties personnelles. Non, mais les Sims, moi, c'est une affaire que je capote parce que, tu sais, moi, je joue aux Sims, puis c'était comme... Tu sais, ce que j'ai dit, là, j'enlève les portes, les fenêtres, je mets un foyer, un poêle à gaz, puis j'enlève la toilette, puis le premier qui meurt en chiant dessus, ou le feu pogne, tu sais. Moi, j'enlève les portes. Mais là, ils sortent des expansions du genre « Va travailler ». C'est à quand qu'ils vont sortir l'expansion? Fais tes impôts! Bien, au lieu de faire une expansion, il y a une option. Ouais. Jesus! Sims 3. Fait que toi, te divertir pour te changer les idées, c'est de prendre tes Sims puis les envoyer travailler. Honnêtement, c'était pour laisser... Parce que moi, j'étais un fan de Sims depuis le premier. Okay. Puis j'avais toutes les expansions. Mais parce que c'est le fun, comme ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime créer des histoires, puis... The Sims, c'était un jeu que je pouvais faire ça, même comme The Movies, des choses comme ça. J'ai une question, Sims, excellent. Pas pour tout déraper dans tes news et Sims, mais le free will meter, toi, est-ce que t'es pour l'avoir au complet ou est-ce que t'aimes avoir le contrôle? Parce que j'ai entendu dire que le free will, il est rendu tellement bon que quand tu le fais, c'est juste décevant parce que cette personne-là, des fois, devient trop normale, trop vraie. Moi, je suis un peu control freak. Okay, mais avec Sims 3, j'ai enlevé pour le personnage que je contrôlais. Donc, si je changeais à quelqu'un, ça coupe le free will. Mais sur le quatrième, puis la seule raison que j'ai joué Get to Work, c'est juste pour voir, pour donner une autre chance, parce que j'étais un peu déçu avec le Sims 4. C'est bon, mais il manque beaucoup trop de features. Donne-moi une autre chance, j'ai changé. Hein? Ouais, c'est like, just one more chance. Ouais, c'est ça. J'ai essayé, j'ai donné un peu de chance. J'ai joué comme 20 heures. J'ai commencé avec un scientiste. Puis j'ai laissé le free will juste pour voir. Il y a des choses que j'aime beaucoup, mais comme je disais, il manque beaucoup de choses. Plein de choses. Après 20 heures, sa copie des Sims s'est remis à boire, puis elle lui tapait dessus. Quand tu as un roommate ou ta copine, ta copain, puis tu manges, tu prépares le souper, tu manges ensemble, tu parles, puis tu manges en même temps. Donc, il y a du multitasking. Je trouve ça très, très intéressant, très bien fait. Okay. Donc, tu peux même faire le treadmill avec la télévision. Pendant que tu manges. Parler avec ton ami. Est-ce que c'est aussi bon que Desperate Housewives? Le jeu. Parce que le jeu était vraiment bon. Milter, il a vraiment aimé ce jeu-là. Sims 3 avec les c'était mods. Desperate Housewives, c'était quasiment un expansion ou un mod de Sims, mais avec genre plus de bitching, du volage de médicaments dans boîte à mal, puis du piétinage de fleurs de la voisine, genre. C'était vraiment ridicule. C'était pas rendu jusqu'au bout qu'ils trompaient genre leur mari. J'ai fait comme 3 missions puis j'étais bloqué là. J'étais plus capable de voler assez de médicaments. T'as joué à City Skylines aussi? J'ai entendu vous agacer un peu de ça. Oui, City Skylines, j'ai trouvé ça très intéressant, très bien fait aussi. Qui est le nouveau SimCity. Oui, ils ont complètement takeover pour SimCity. Ouais. Je peux dire ça, j'ai SimCity. SimCity, c'est comme Tony Hawk Pro Skater puis City Skylines, c'est comme Skate. Oui, mais SimCity n'ont pas fait un motion board encore. OK, bientôt. Oui, parce qu'ils l'ont fait avec Sim Societies. Puis là, le 4 ou le 5, c'est 5 là, qui chie au bout de SimCity. Hein? C'est juste SimCity. Ouais, qui a eu le DRM. C'est juste SimCity. Non, mais il y a eu un SimCity avec le DRM online. Oui, mais ouais, avec le DRM, ça, c'est une chose. Ouais, mais c'était patché. Ça a été patché, mais le jeu, il manquait de quoi? Puis il manquait la liberté un peu qu'on avait été habitué de. Quand tout ce qu'on voulait, c'était un SimCity ou un SimCity 2000 max, beau. Puis City Skyline, ils ont juste fait ça. D'après moi, ouais. C'est juste ça qu'ils ont fait, là. J'adore pour ça. Il y a des choses que j'aime pas, un peu de micromanagement. Il y a des gros micromanagement. Comme, là. Mettons, ton zone industrielle. Ouais, les zonages. Puis il y a quelqu'un qui moves out. Il faut bulldozer les petites buildings. Mais moi, je m'amuse à bulldozer. Parce que l'industriel, qu'est-ce que j'aimais, c'est qu'industriel, t'as les quartiers résidentiels qui deviennent malades, qui sont proches. Moi, j'ai bulldoze. Puis après ça, t'as des nouveaux résidents qui vivent là une couple d'années. Puis après ça, eux autres deviennent malades. Puis après ça, j'ai bulldoze. Ça, d'ailleurs, t'as une vision très stalinienne de ton City Skylines. C'est un job, là. En fait, tu peux pas jouer à un jeu comme SimCity sans avoir le trip stalinienne, comme tu dis, au moins une quoi, fois. Tu donnes un gun à un gars, puis tu donnes les balles à l'autre, puis tu leur poses non, un non, cul, main ou... ferme, là. Tu gères la ville main ferme, mais tu te rends compte que But whatever. Ah, Staline, c'était « Hey, il faut que je construise une usine à tank. » Là, son conseiller arrive. « Oui, mais il y a un village. » So? And then, passe les bulldozers dans le village, construis une usine à tank. C'est Staline en deux mots. En plus que deux mots, mais... Ça a marché. Mais, ouais, mais une parenthèse, usine à tank, c'est bien plus productif que ça. Moi, je me disais moi aussi. Oui, non, je sais. Mais non, on ne commencera pas un débat communiste versus socialiste. C'est big, là, Calis. Mais je voulais faire une petite parenthèse sur SimCity. Je voulais peut-être... On mettra peut-être ça au montage, une minute de silence, parce que cette semaine, ou en tout cas récemment, là, le studio original de Maxis a été fermé, définitivement. Et les propriétés appartiennent à... Plus rien là-dedans. Non, mais les propriétés intellectuelles appartiennent à IA, mais ils ont fermé complètement le bureau. Ils ont plusieurs employés qui ont été soit réassignés, ils ont changé de job complètement, mais feu Maxis Original. Mais à la... on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé avec des gens... Fuck la minute de silence. Maxis, là, je fuck m'excuse. Fuck silence, là. Silence. Fuck ça, la silence, parce que Maxis, avant que EA les achète, c'était les pires milkers du terme Sim que j'ai jamais vu, là. Cement, Sim Farm, Town, Sim Farm, Sim Earth, Sim fucking Village, Sim Island. Sim Ant, c'était fucké, pareil. Les gens, là, ils aiment ça être romantiques, là, sur l'idée de Maxis, là, mais je m'excuse, ils ont... brûler le concept. Ah, oh, peut-être. Ouais, mais ils ont créé le concept. Will Wright, là, puis eux autres, là, ils ont créé le concept. Puis le ils ont sport. Juste acheté à cause de Sims. Ben ouais, God Sport, ouais. Là. Fait que dans le fond, les Sims... Fuck Maxis. C'est le Sims City Skyline. On joue à ça, là. Sims 4, peut-être pas. Okay. Alors, ta note. Que les, ben, il va y avoir sûrement des expansions, puis des expansions, puis des game packs sont des mini-expansions, puis je trouvais ça un peu fun. Mais là, c'est pas la même chose. Reste avec 3. Si t'aimes le troisième, reste avec le troisième. Pour l'instant. Parfait. Puis c'est le conseil d'un expert, mesdames et messieurs. Oui. Quand est-ce que tu vas nous streamer The Sims? Ça risque d'être plus ça serait fou. Hey, tu pourrais nous faire nous autres dans les Sims. Il y a un let's play. J'ai déjà fait vous autres. Oh boy. Je trouve ça weird parce que je I don't see you at the gym. Or... Ce qui est un peu ironique, parce que je me suis inscrit cette semaine au gym. Ouais, mais non, j'ai dit le gym juste comme ça. Fait que tu vois pas moi au gym, je mets pas ça. Le gym, le musée, parce qu'il y a comme genre juste 4 places. Fait que dans le fond, tu nous vois pas prendre soin de nous puis de s'instruire. Non, mais au musée, je vais y aller. Non, les autres sims que j'ai créés pour. C'est normal, monde, mais nous autres. Je vois tout le temps, mais vous autres, non. You're all at home playing video games. Ça a quand même du sens. J'ai mis gamer pour chaque personne. Tu nous dois de streamer ça. Faut qu'on voit ça. Il faut qu'on fait ça. Donc, on va prendre une courte pause ravitaillement et décharge. Puis, on vous revient après ces 5 minutes. De retour au Geek Collectif, à l'épisode 58. Puis là, on parle souvent de nostalgie, puis pour la première fois dans l'histoire du collectif, on va se permettre nous-mêmes d'être nostalgiques. Reboot. On va vous faire vivre, Alex et Guillaume, l'expérience malaisante qu'on a eue, mais qu'on a eu bien du fun et c'était révélateur lors de l'épisode 1. Donc, pour les gens qui nous écoutent live là, c'est le temps, là, que vous n'avez jamais écouté l'épisode 1, je vous invite à faire pause. Ouais. Puis d'aller écouter le premier épisode à vie du collectif. Attends, ceux qui nous on écoutent si jeunes, pas en live. Non, pas en live, mais ceux qui nous écoutent sur... Oui, effectivement. Merci de le mentionner parce que là, moi, je tiens pour acquis que les gens nous écoutent en balado. Puis... Mais pour les gens qui nous écouteraient sur la balado-diffusion, le MP3 et toi, sur Eric, le site web. C'est notre fabuleux site web. En 2018. Ou le 3 décembre, tout dépendant si t'es sur la brosse et que t'as aucune honte. Mais... allez écouter l'épisode 1 du collectif. Ce qu'on va faire, c'est que nous avons ici Le bol turquoise of shame. IKEA. Non, en fait, Dollar Store. Fait que c'est poursuivre la mode des remakes, là, que, comme je disais tantôt. On fait tantôt, des remakes, là. On remake l'épisode 1, version 2015, un meilleur son, des meilleurs effets une spéciaux. Une réadaptation. Meilleure qualité. De la barbe. Une réadaptation. Ouais, ouais, de la barbe. Ça, c'est version 2015. Et je suis joué par Michael Keaton. Elle était chiée avec vos barbes. Hey, je me suis rasé juste pour toi. Fuck you. Hey, attends un peu, Eric. Eric, tu écoutes le podcast, toi, des fois après, hein? Tu le réécoutes, hein, quand on a enregistré. Grattez-vous la barbe. Ok, écoute. Oh, oui. Si tu te rases plus à partir de maintenant, peut-être que le 2 décembre 2018, tu vas avoir une barbe. Fait que ta joke aura plus vraiment de sens. Les vidéos de Milter qui se brosse la barbe, c'est les plus belles choses que j'ai vues de ma vie dernièrement aussi. Donc, merci, on va en mettre sur Snapchat de ça. Oui, je devrais faire ça. Un close-up macro de barbe, là. Avec donc, des petites graines de bouffe dedans. Ce qu'on a ici dans le Turquoise Bowl of Shame, c'est des questions très aléatoires, des questions qui vont nous aider à découvrir puis à se connaître un peu mieux toute la gang. On va découvrir nos passions, les goûts, les choix. On prend une pause pour Instagram. Moi, j'ai une question. Oui? Mettons que j'aurais pas écouté l'épisode 1, chose que je n'ai pas faite. Mais mettons que je l'aurais pas écouté. Oui. Mais sache qu'on te méprise profondément. Et que t'as manqué quand même une bonne heure de divertissement. Non, je l'ai écouté. Mais mettons que je suis quelqu'un qui l'aurait pas écouté. Oui. Comment ça marche? Est-ce que genre... une question puis je suis le seul à répondre ou les gens peuvent renchérir? En fait, tu es le seul à répondre. Donc, les gens, ils peuvent pas renchérir. On renchérit pas. On peut déborder, on peut te niaiser un peu puis t'amener dans une... Ça va être difficile comme épisode. Je vous le dis, ça va être éprouvant, mais on va en sortir plus fort. Mais c'est l'opinion personnelle de la personne qui choisit la réponse. On veut pas savoir celle des autres, même si les autres, des fois, peuvent poser une question. Donc, ça ne représente pas l'épisode du collectif, mais bien la veille. Non. Écoute, aujourd'hui, c'est un épisode, là, c'est rare que vous allez m'entendre dire ça, mais il n'y a pas de notes, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de structure. Quelqu'un prend un sujet, pige, lit la question et lui répond, tout en se faisant... bombardé de trucs random par ses collègues. Donc, mais je écoutez, parlant de random, il y a des commentaires pour vous, André. Ok, oui. Donc, commentaire. Le premier de Bomoth. Ça te fait pas bien un barbe, André. Merci Bomoth. Puis un autre de Fireproof 83. Oui. Il ressemble moins à Fred Durst demain. Bon, donc. Puis ça, je pense que c'est... Écoute, moins ressembler à Fred Durst, c'est un accomplissement c'est personnel. Un mais, donc, mais je trouve la barbe, c'est very nice. Ben merci, Alex, merci. Écoutez, ce que je vais faire en guise de à guise de genre exemple, je vais piger le premier sujet. Oui, je vais ouvrir le bal. Je fais rarement ça, on, mais je on pige notre sujet. On pige notre sujet. Donc, je pige mon sujet. Je l'ouvre et c'est... C'est un peu ironique. Quel épisode du collectif recommanderais-tu à un nouvel auditeur pour débuter son parcours? Ben, le premier, Calis. Excusez, j'achète de faire du Snapchat en même temps, je savais pas que le son partait. Non, mais c'est bien correct, écoute. Mais quel épisode du collectif recommanderais-tu à un nouvel auditeur? Premièrement, ok, tu commences avec celui de Joe Roberge. Oui. Qui est notre meilleur épisode. On a eu des scoops de Joe. Notre pute à like. On a eu beaucoup de likes avec ça. Le hipster des hipsters. Ce gars-là est juste cool. Ce gars-là a eu une chimie avec nous autres. Il s'est prêté à l'expérience. Il est arrivé, il a eu du fun. Puis c'était juste cool. Fait il est méga cool. Chantant à Joe Roberge, il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui ou hier. Il vient de signer un nouveau contrat avec une nouvelle compagnie pour un genre de projet de la mort. Là. C'est que shout-out à Joe. Moi, le meilleur des succès à ce gars-là parce qu'il mérite vraiment. Fait que, allez écouter l'épisode de Joe Roberge. Je me souviens pas exactement c'est lequel. En fait, c'est depuis cet épisode-là que tout le monde se fait pousser la barbe. Ben, c'est depuis cet épisode-là. Là, j'ai juste le goût de me faire pousser la barbe. Dans ce coin-là, si je me trompe pas, me semble. J'ai juste le goût de faire, genre, pousser ma barbe puis aller me casser un bras au Costa Rica avec des faux documents. Faire du bicycle sur le bord d'un volcan. Écoutez l'épisode, vous allez comprendre les insides. Mais on a appris des affaires vraiment cool sur Joe. Fait que c'était ma recommandation. Sinon, moi, je vais te faire déraper, là. J'en profite en partant parce que tu as dit qu'on voyait le droit, mais pourquoi pas commencer avec celui-ci? Mais en fait, il y a des gens qui vont commencer avec celui-ci. Mais moi, je vais te relancer par une autre question à ta question, mais pourquoi se limiter à celui-ci? Ah non, c'est rien que tremper. Le podcast, là, c'est le 58e que vous écoutez présentement ou que vous écouterez demain. ou que vous avez peut-être écouté hier, ou peu importe. Ou le 2 décembre. Ou le 2 décembre 2018. Mais l'important, c'est que il y en a tellement des bons épisodes, puis c'est mon moment un peu, tu sais, c'est comme petite larme, moment cool, là, mais... Sortez les Kleenex. Hey, on a eu du stock qu'on a vécu, on a fait des dégustations de bière, on a parlé de Fantasia, on a eu Joe Roberge, on a eu Matt Bonin, Jay Saint-Louis. Pas vraiment pogné. Mais le pire, c'est que je pense que... Hey, ça fait 3 ans. En passant, là, au mois de mai, à ce qui paraîtrait au Nacho Libre, sur Beau Bien, il va y avoir une célébration du collectif. Il me semble que c'est le 16 mai. Okay. Mais... Ouais, je vais manger un Triforce. Je vais manger un... Hey, il annonce un nouveau Nacho. Fuck. 3 ans, on s'est pas pogné, puis on a vécu des affaires. Ottawa Comic-Con. On a viré des brosses à Ottawa. J'ai des vidéos illicites que je ne mettrai jamais sur les médias sociaux, mais que je vais mettre dans mon sel, par exemple. Si vous m'accrochez à la soirée le 16 mai du 3 ans du collectif, je vais vous montrer la shot qu'on gueulait World Star Hip Hop à partir ça de la fenêtre de l'hôtel. Ça pourrait peut-être passer sur les écrans du Nacho Libre. À Ottawa Comic-Con, il y avait un club en avant de l'hôtel. Puis il y a eu une bataille fight. À genre 1h30 du matin. Puis je me suis dit, Monique, genre, on était, ou les deux peut-être, étaient sur le balcon dehors, prenaient de l'air frais. Puis là, un moment donné, ça se met à une fight tout de suite. Donc, hey, ils sortent une fille. La fille, il y avait deux filles qui s'avaient battues pour un gars. Le panier à salade, toute la kit. Puis nous autres, on était sur le balcon en train de crier. Mais ça arrive toujours à côté de chez Alex. Anyways, à chaque vendredi. Certainement. Certainement. Mais en gros, là, le collectif, c'est une grande aventure. Que ce soit nos vidéos sur YouTube, que ce soit les épisodes, allez tout écouter. Regarde. C'est mon projet, je suis fier. Mais fuck, écoutez tout. C'est aussi simple que ça. Échappez vos écouteurs. Qui continue? Je choisis. Eric? Moi, je vais la piger, puis je peux choisir à qui je la donne? Pour toi. Non. OK. Moi, je dis qu'on y va avec la seniorité. Show, on lisait, puis on la posait à quelqu'un. Ouais. Ou on peut y aller avec la seniorité. Ta pige, ta pose. Ta pose à toi-même. Ouais, pose-toi-la à toi-même. André, il a fait ça. OK. Puis le prochain, ce sera Milter. Shit, on s'en va à Truth or Dare, c'est-tu, hein? Un secret à partager avec nos auditeurs. Oh! Ah, c'est que j'aurais aimé ça, pogner ça là, moi. Quel secret tu veux partager avec nos auditeurs, Eric? J'adore Electronic Arts. Mais je pense que, Eric, c'est quoi? T'as un pire secret que ça. Puis tu l'as déjà partagé dans des épisodes. Mais redonne-le mais moi, pas je, là. Je dis le mien, mais... en ce moment, là, sur place, après 3 banquettes Coors. Un secret à partager avec nos auditeurs que je lis là, c'est que... En fait, c'est pas un secret que j'aime Electronic Arts, mais dis-tu quoi, non, j'aime Electronic Arts, puis je trouve que cette compagnie-là reçoit du hate, comme que ça a aucun bon sens. Ouais. Puis calisse de ce petit tabarnak, ma gang de gnochons qui chie dessus tout le temps, aussitôt que vous voyez le EA, calmez-vous. Il t'a même pas fait ton high five, man. Non. C'était-tu. C'est un high five. Moi, je pensais que c'était un high Hitler à EA ou quelque chose. Non, ça c'était. Hey, worst company in the world. Wow! Non, mais tu sais, une compagnie. Tu sais quoi, ta question, c'est devenu le rant d'Hébert. Hey, la compagnie, man, qui se fait fucking voter comme la pire compagnie au monde, quand t'as des hosties de compagnies vraiment atroces qui existent, qui font du child labor de fucking fou, pis ici, on est là avec des Christy fucking retard sur l'internet qui chie à cause qu'ils sont sur du DLC puis leur franchise qui tiennent à cœur qui ont peut-être été changées un peu. Tout d'un coup, c'est la pire voted worst company in the world. Puis on a tous rencontré quelqu'un qui a dit ça a été voté la pire compagnie au monde. Fuck off, calme-toi. Ils font des jeux vidéo. T'as jamais joué à Mule? André, t'as jamais joué à Mule? Non, j'ai jamais joué à Mule. Mais Battlefield, c'est encore bon. Moi, je veux juste plus qu'on donne le bol à Eric. J'ai peur. Mais je suis d'accord. Mon high five était plus au fait que dès que t'es une grosse compagnie, t'es la target de quelqu'un. Mais ça, je le comprends. Cible de quelqu'un. Mais Eric, t'as donné un secret bien pire que ça dans l'histoire c'était du collectif. C'était quoi, vous me le rappelles? T'as déjà donné ton numéro de téléphone à plusieurs reprises dans les épisodes. Donne-les pas là! Je voulais faire un shout-out. Mais c'est pas un secret, ça. Ben, c'est à l'émission de Trois Bières avec le gars des Nerds. Là. C'est qui son nom, man? Mathieu Roy, si je me trompe. Mathieu Roy qui est là. Puis il est journaliste. Tease, il tease son numéro de téléphone à la fin quand vous êtes en train de donner vos coordonnées. Puis tu sais quoi, Mathieu Roy? Mais moi, je te call out. Je l'ai fait pour de vrais callistes. Puis peut-être que je suis pas aussi populaire que toi, mais j'ai survie. T'as juste eu du monde bizarre qui t'appelait en respirant fort dans le numéro de téléphone. Mais... Ben, shout out à Pierre Lessec. Pierre Lessec qui m'appelle des soirées random pour savoir s'il y a des choses de disponibles dans mon quartier. Moi, je pensais que c'était Alex qui faisait ça pour essayer de rentrer dans le collectif. Pierre, il m'envoie des vidéos des fois. Pierre, super cool guy. Cool puis t'es mieux de me leur donner cette peau-là parce que André, je t'en fais, Carlis. Melter? On voit ça. Ou pour nos auditeurs, on l'entend. Melter? Ma question. Ok. Ça aurait été long, ça soit la main. Fuck, marry, kill. Ah, yes, tu l'as pogné. Ok. Bah, attends, mais faut expliquer le concept d'un fuck, marry, kill. Dans le fond, c'est super simple. Fuck, marry, kill. Qui est-ce que tu baiserais, qui est-ce que t'épouserais, puis qui est-ce que tu tuerais? Fait que, ça peut être la même personne aux trois réponses. Ça peut être les trois, oui. Fait qu'on sait c'est qui le deuxième. Fait c'est qui le premier? C'est qui le deuxième, Eric? C'est Martine? C'est déjà fait, fait que ça compte pas, j'imagine que c'est fictif. Mais quand est-ce que tu as décidé de dévoiler le nom de ma femme? Non, mais attends un peu. Live là, 30 secondes, là, on va régler okay, de quoi. On laisse, okay? on laisse. On est autour de la table. En pour... chum. Il n'y a pas de ah oh, ben là, mon Dieu, mon copain sur son podcast a dit qu'il épouserait ta. Fuck off, là, regarde. Écoute, vous en parlez tout du cul de Claude Legault dans 19-2, là. Elle l'écoute même pas. Bon, tu vois, fait garde. Ok, fait que, fuck. Fabien Rose McGowan. Rose McGowan? Ça, c'est quel nom? Ouais, ouais. Pour fuck, depuis marry ou kill? Fuck, j'y vais en ordre. C'est, j'ai toujours été un fan. Puis c'est ça. Cool. Marry, j'hésite en deux. Ok, vas-y. Mais t'expliques pourquoi, par exemple. Ben oui. Je dirais Taylor Swift. J'ai des deux qui rient, tu sais. Taylor Swift, oui, t'épouserais Taylor Swift? Ben, elle a l'air de la petite sugar femme idéale, genre, tu sais, qui te fait des gâteaux. Qui paye toutes tes dépenses. De même, puis nanana, puis tout. Mais, l'autre que j'hésite, puis qui gagnerait probablement, c'est Katy Perry. Parce que je me dis, elle doit être comme Taylor Swift, sauf que quand elle fait plus ses cupcakes, elle est peut-être un petit peu plus chaudasse. En fait, tu trouves qu'elle est plus cochonne. Ah, c'est plus ta fille, genre, que t'arrives à la maison, elle a déjà bu une demi-bouteille de vin en genre, te faisant souper. Tu sais, le comment dire, trophy wife. Ouais. Le chaudasse. Puis elle a un plus beau look, personnellement, pour moi, d'après mes goûts personnels. Mais j'adore, j'ai un petit faible Taylor Swift, puis je suis comme, calice, c'est une petite blonde de même que... En name-droppant ces deux personnes-là, là. En name-droppant ces deux personnes-là, là, tu peux pas considérer ça comme des trophy wife, parce que c'est comme toi, là, la personne à la maison, c'est comme, t'es, comme le trophée, c'est toi. Peut-être, mais pour moi, ça serait un c'est toi qui va avoir fait le souper avec une demi-bouteille dans le nez, là. Ah, pas juste une demi-bouteille, hein, moi. Je pense que tu vas être tanné de Taylor Swift parce que la plupart de ses chansons. Elle doit être fatigante. J'aime mieux, musicalement, j'aime beaucoup plus l'autre. Moi, sais-tu pourquoi je prendrais Katy Perry? Parce que je suis très prêt en tabarnak à arriver à la maison pour voir du monde déguisé en requin dans sa côté. Elle connaît genre Snoop Dogg, Juicy J, toutes les blagues. Fait que fuck, marry, kill. Mais kill, c'est tough parce que... Qui t'en veut tellement que tu le tues? Mais tout le monde sait que je suis un lover, genre, j'haïs personne. Je sais pas c'est-tu du méta trolling? Non, là? Mais... Tu sais, au point de tuer... C'est... Mais c'est pour ça qu'il est difficile. Tu sais, gars, fuck. Ah, oh, ok, fuck. Rose McGowan. Ça peut-tu être un homme? Ça peut être un. Ouais, mais kill, tu peux tuer qui si tu veux. Ok. Ta carte blanche. Tu tues une personne non, sur cette deux part. Ça pas besoin... Non, mais ça peut pas besoin d'être une fille, là. Non, non, ça peut être une fille, un homme, un chien, peu importe. Easy là. Dans ce temps-là. Qui est-ce que non, tu tues? Sacrement. T'as pas le droit de répondre à un certain podcast qui commence par Bull Up et finit avec un chiffre. Non, mais. Comment? Bulldog. Qui il veut que tu le tues. Ben non, je tuerais pas Bulldog parce que ça serait comme un martyr et le monde commencerait à porter des t-shirts avec sa face. Mais il y a Bomot qui a name-droppé un de tes musiciens préférés aussi. J'aimerais... Je le sais Stromae. Pas. Le chat a beaucoup de suggestions. Eric qui vient de le dire. Stromae. Ouais, je l'ai juste allé une tape. Fuck Stromae. Tu restes Stromae? Il disait pas, mais c'est parce qu'il pensait pas. Ouais, j'y pensais pas. Je cherchais plus loin que ça, plus deep, on dirait. Mais c'est vrai, là, elle cherchait. Là, mais j'ai adoré ton look d'excitement quand j'ai fait ça. Hey, mais là, on va faire de quoi, par exemple, juste en rafale. Stromae pour Milter, tout le monde, rapide, mais impulsif, qui est-ce qu'on tue? Juste demain, ça pouvait pas être personne d'autre. Puis j'ai pas pensé, au nombre de statuts que je fais dans une semaine disant que je le déteste, j'ai demandé sa mort pour ma fête, qui était il y a 4 jours. Tu sais. Non, j'ai demandé qu'il arrête de chanter, puis j'ai dit si j'étais plus jeune, j'aurais demandé sa mort, ça, la preuve, je suis vieux. En tout cas, je suis mature. Mais je l'ai, en tout cas, Go. Allez-y, gars. Qui vous tuez? Rafale. Vite, là. Ah, faut qu'on fasse un rafale. Juste kill. Finish. Ah, juste qui se tue rapidement, là? Juste kill, man. C'est dur, celle-là. Mais c'est dans Barrette. Ah! Red Alert Hitler. Il est déjà mort. Ouais, dans le passé. Mais non, mais Red Alert. Dans le jeu. Dans le jeu. Le tuer. Comme dans un time machine. Comme dans oui, André qui te tuerait. Je me garde pour la fin, moi. Je suis l'animateur. J'ai un droit de veto. Alex. En passant, Red Alert, c'est un jeu de Westwood, une compagnie achetée par la meilleure compagnie au monde, EA. Hey, Stromae, j'avais pas pensé à ce maudit pourri, là. Tu as hâte qu'ils reviennent plus jamais ici, tu? Alex? Still waiting. J'ai plein de personnes. Ok, ben, une. Ok, je vais compter jusqu'à trois. Un, deux, trois. Tu es quelqu'un? Chad Kroger. Oh, shit. T'aimes pas le rock canadien? Can I give you my money right now? Ouais, mais attends un peu. Il t'aimes pas le rock canadien, toi? Ouais, mais he doesn't do much now. C'est pas du rock. Il fait du disco. Did he do a dance song? Il fait du disco. Ok, Eric, toi, c'était Hitler. Alex, Chad Kroger. Gaëtan Barrette. Gaëtan Barrette? Ah, je suis pas capable. Trop politique, trop politique. On skip. Chris, man, je sais vraiment pas qui tuer. C'est ça le problème. Mais t'as dit, j'essaie de m'acheter du temps, puis j'essaie d'être impulsif, puis. Parce que t'as peur de dire que tu joues ça safe, man. Vas-y avec Stephen Harper. Tout le monde va être d'accord avec toi, là, puis tout le monde va t'aimer. Hey, le pire, c'est que j'en veux même pas, ce gars-là. C'est ça. Il est né grande, mais c'est pas grave. Là, ok, c'est... pas politique. Je peux pas politique. Pas politique. Ah, fuck. Ils sont faciles à être. Fait que Hitler, c'était pas politique, hein, Rick, c'est Hitler, ça? Hitler, c'est... Non, j'ai compris. Sœur Angèle. Oh, je suis super cheap de dire ça. Et d'abord, il se donne la job facile, elle est déjà morte, non? Hey, je vais vous donner... Je sais pas. C'est parce que j'ai pris quelqu'un qui était déjà mort. Je me suis On va demander au chat. Pendant que j'y pense, là, tantôt, là, demandez-moi de vous rappeler un petit hint pour pimenter vos Deadpool. J'ai un hint sur quelqu'un qui aurait une quelconque... maladie spéciale. En tout cas. Ok, anyways, kill. Hey, je fais le cheap, là. Vous m'avez fait tuer Sœur Angèle. Si je me sens super mal, finalement, ça cool pourrait être pire. Ça aurait pu être Sonia Vachon. Ok, Alex. Guillaume, pige une question vite. On oublie ce moment-là. On n'entend pas assez parler à Alex. On va faire Alex. Moi, j'allais me chercher une bière en attendant. Tu peux-tu me rapporter un breuvage d'adulte, s'il te plaît? Moi aussi, j'en parle. Alex, faut que tu lises la question à voix haute aussi. Kool-Aid extra. You can read, right? Ah non, ok. Oh! Ok. Si tu pouvais rencontrer une personne de ton choix, peu importe l'époque, la vie ou la mort, qui serait-ce? Tu veux-tu qu'on la traduise ou... vivant, aimerais-tu rencontrer intemporellement Hitler? Mais si la personne est morte... Tu peux la rencontrer. Like the corpse? Non. Non, parce que j'ai déjà fait mon choix. J'ai vraiment peur de ce que tu dis. Mais why not? Donc Alex, qui aimerait ça? Ah, tabac, mec. So it's a nécro rencontre. Hey, attends, il faut que je peu importe la vie ou la mort. Wow. André, il aime ça la pape bleue. Vous autres, les boys, qui aimeriez-vous rencontrer mort ou vivant? Mort ou vivant? Carl Sagan. C'est qui, lui? Ouais, elle me dit quoi ce nom-là, mais ça me dit rien. Ben, Carl Sagan, là, c'est... Le gars avec des cheveux et des bras, là. Ah, lui! C'était un astrophysiciste, là. King of the atheists. He is the king of the atheists. Mais, je sais pas, man, c'est quelqu'un que j'aimerais ça prendre une bière avec et parler de notre existence. Là. C'est, cool. C'est pas compliqué. Là. Le gars, il est épique. What more can we say? Là, this... Si tu connais pas Carl Sagan, Google-le tout de suite puis embarque-toi sur un mind trip. Mais puis... Google pas Blue Waffles, par exemple. Non. Mais qu'est-ce qui est le fun de Carl Sagan, par contre, c'est... Surtout pas Blue Waffles. Il y a quelque chose que je m'en rappelle l'avoir entendu dire quand j'étais jeune puis ça m'avait toujours fait capoter. C'était que... Il expliquait comment est-ce que, comme humain, le fait qu'un humain peut comprendre la grosseur de... Comme on peut comprendre la grosseur de notre système solaire, de notre galaxie, de notre univers, ben être capable de faire ça, c'est une des meilleures achievements qu'on peut faire, parce qu'on peut être assis ici et comprendre comment grand que c'est, puis quand même être capable de prendre une bière et talk shit avec des gens. Alex, tu voulais juste rencontrer Jim Morrison, faire de l'acide avec. Non, mais je pense que j'ai vu Alex faire un beau petit move. Là, puis le, qui tu veux rencontrer, Alex? Il y a une grosse liste. Dans le chat est en feu, ouais. Oh, wow. Leonard Nimoy. Stephen Hawking. Ouais. Oh, ouais, Stephen Hawking. Moi, je peux te répondre pendant que je joue. Stephen Hawking, il... ok, ben, live. Ok, ouais, je pensais qu'on parlait du monde mort. Joseph... Non, c'est any, ouais, any kind of people. Joseph Staline. C'est le cousin de Joseph Stalin. J.J. Allen, je connais pas. J.J. Allen. Hey, c'est best qui? Punk rocker ever. Oui, okay. Chier, ça. Alex, moi, on adore le chat, là, mais ton choix. Mais Joseph Stalin. Qui a dit Joseph Stalin? Lenin veut même pas voir. Danny Elfman. C'est beau. Danny Elfman? C'est quand Danny Lenin voudrait pas. Il est mort? Non, il est pas mort. C'est un composer, right? Ah, il est vivant. Ok, vivant, fait que Danny Elfman. Ouais. That's a composer, right? C'est musique, composer, ouais. Il était dans un band que j'adore, Oingo Boingo. Je savais même pas qu'il est dans une band. T'aimes Oingo Boingo? C'est la chanson Weird Science du film. Ouais. Weird Science. Oh shit! C'est Oingo Boingo, puis le chanteur est Danny Elfman. La raison, c'est parce que je trouve Danny Elfman très intéressant. Ouais, il est très créatif cool. Aussi. J'adore sa musique. Sa musique me touche. Ben, c'est mieux que sa musique. Last, très spéciale. Pee-wee's Last, Pee-wee's Big Adventure. Pee-wee's Big Adventure, wow. C'est à cause de sa musique, puis j'ai vu des entrevues, puis son creative process, je trouve ça très intéressant. Et tu trouves-tu meilleur que Hans Zimmer? Différent, peut-être? Danny Elfman est mon numéro. Ouais. John Williams? Mais John Williams, number c'est one. Comme... Il est déjà okay, mon ouais. Numéro oh, un côté ouais. Musique, ouais. Mais John Williams, ça serait le problème. Puis moi, je peux, avec les autres composeurs, je peux pas vraiment comme dire, OK, ça c'est definitely a Zimmer. Or, Zimmerman est facile à reconnaître. Mais Williams, c'est Star plutôt Wars. Plutôt avec ouais. Danny Elfman. Moi, j'étais en, le premier, je savais pas dans Fable, c'était lui qui a fait la musique. Ah oui? Ouais. Et quand je marchais tout dans tout les, juste dans la le first. Bois, j'entendais la musique. Oh man, it sounds just like Danny Elfman. Puis mon frère a dit, hey, is that Danny Elfman? Parce que mon frère aussi, ce serait son choix. J'adore, c'est un excellent parallèle. Danny Elfman fait Fable, Hans Zimmer fait Call of Duty. Enough said. Trent Reznor aussi a fait du Call of Duty. C'est pas lui qui a fait Beetlejuice aussi, moi, selon moi. C'est le Johnny Depp côté musique pour mais tout. Mais il y a ça, c'est, on peut peut-être finir la question avec cette petite parenthèse-là, mais souvent la musique des jeux vidéo est souvent underrated parce qu'il y a des jeux comme juste Guild Wars, les composers qui travaillent là-dessus, des fois on y pense pas, mais souvent c'est des badass, là. Ils vont produire de la musique pour plein de IP, je veux dire, des propriétés intellectuelles, autres. Mais ils vont dire, ah, c'est juste Guild Wars ou juste, mettons. C'était pas Hans Zimmer qui avait fait aussi Crysis 2, je pense. Sûrement. Mais ouais. C'est ça, souvent c'est des freaking big people, là. C'est des cerveaux puis c'est des super, des vedettes, là. C'est que ça. Fait que Danny Elfman. Ouais. Shout out à Michael nice. LaRouche. Moi, je peux écouter sa musique puis je peux imaginer l'histoire. Qui fait. Quand j'écoute Spider-Man, c'est le thème de Spider-Man, qui est celui qui a fait avec Tobey Maguire. I hear the spider moving, tu sais. So, stop with the emo stuff. Tobey Maguire, emo, you know? Ouais, mais Danny Elfman, c'est très facile pour... C'est pas emo. Je vois Guillaume avec une question. Mildred, tu veux une question? Ah oui, Murder Danny Elfman. Mary. Oh boy. J'ai pogné de la question... Genre, avec ma réponse la moins geek possible, okay. Quel est le dernier livre que tu as lu? Ça peut être geek, un livre? Oui. Si je... Personnellement, je ne considère pas les bandes dessinées, qui est mon dada favori, comme étant un livre. C'est une catégorie à part. C'est que si je me fie juste sur les livres, ça va être... Puis moi, je suis un maniaque de business books, là, comme un certain Mitch Stroll. Et... Who's that guy, right? Nobody. Mais Seth Godin, le dernier livre que j'ai lu au complet, c'est The Linchpin de Seth Godin, qui est un excellent livre. En fait, tout ce que pas mal Seth Godin écrit est excellent. Mon problème, puis je l'avoue, c'est une maladie que j'ai. Je commence beaucoup de livres et je les. Des fois, j'aime tellement ça que je dis, oh, je veux comme faire durer le plaisir, puis j'arrête, puis j'en lis un autre. Mais si on parle plus dans du geek factor. J'ai lu le dernier livre que je pense que j'ai lu au complet, c'était le dernier Game of Thrones. Ou j'hésite en solo, un des chapitres de Wheel of Time de Robert Jordan. J'ai une question justement, on parle de livres. Ma femme en ce moment, a fini Game of Thrones. Elle était toute contente de le chapitre de finir. 5. Il y en a combien à tout, 5 livres? Il y en a 5 de parus, ouais. Puis il y en a potentiellement 8. Y a-t-il des nains dans chaque livre? Ben, il y en a un nain. Il y en a juste un. C'est le même nain. OK, ouais. Fait qu'il meurt pas. Spoiler, je m'avais spoilé. J'ai plus le goût de l'écouter. On parle de nostalgie, mais au moins, ouais, on fait un full circle. Si on se fie à saison 1, épisode 1, t'aimes les nains. C'est, ouais, c'est ça, là, on fait le full circle. On parle de Tyrion. Pourtant, t'as pas aimé Destiny? Non. Okay, mais moi, je m'en la voix du robot, non, ta femme. Parlons de ta femme. Oh. Fait que là, en ce moment, elle est en train de se dire... Elle est allée finir Game of Thrones. Puis là, elle est dans un impasse. C'est comme... Elle est en train de se dire, est-ce que je commence à lire la série Sword of Truth? Non. Ou est-ce que je... Ben, c'est bon, Sword of Truth, là. C'est correct. Ou est-ce que je commence Wheel of Time? Oh, Wheel of Time. Fait que toi, tu dis... Oh, big time. Je le voyais déjà venir, là. Ready Player One, man. Non, mais non, si elle veut rester dans Fantasy... Elle veut une série fantastique. Si elle veut rester dans Fantasy... Ready Player One. Sword of Truth, c'est très bon. Mais ça perd après... Mais... Après 5, 6, à un moment donné, ça commence à être perdu. Ça devient ce qu'en anglais, il appelle formulaic. Là, c'est la formule. Puis, on dirait qu'il... il perd un peu d'originalité. Moi, j'ai lu 1, 2, 3, 4. Robert Jordan. Ok, de Robert Jordan. Puis honnêtement, j'ai arrêté de lire parce que je l'avais sur un e-book. Puis je me disais, si je continue, je vais plus rien lire d'autre parce que c'est très bon. Puis malheureusement, le dude, puis c'est ce qui va arriver. Je vous le dis là, en ce moment, 14 avril 2015, ce qui va se passer à Game of Thrones, c'est exactement ce qui s'est passé avec Robert Jordan. L'auteur va mourir. Qu'est-ce qui te fait dire avant ça? Avant la fin. Regarde, va sur Google Image. C'est une joke, dude. Je sais. Ok, c'est bon. Je vais pas parler d'obésité puis de possibilités. Non, non, non, mais c'est pas le juste. Gars, le gars, il avait emprunté la DeLorean de Ernest Cline. Puis, asti, il était même pas capable d'embarquer dedans, man. Mais non, c'est pas une question d'obésité. Mais es-tu aussi bien entouré que Jordan? Parce que Jordan, Jordan c'est son fils qui a continué. C'est quand même la famille, puis c'est un héritage que ça faisait. Non, mais malheureusement, 20 ans qu'il travaillait malheureusement, de ce que j'ai entendu, je ne suis pas une sommité en la matière de. Et ça n'a pas marché aussi. Il n'y a pas de progéniture qui pourrait prendre la relève. Ah, okay. Ah non, ok, ouais, c'est ça. Parce que Jordan, il y en avait, puis c'est pour ça qu'il s'en est s'en s'est bien tiré. Oui. Donc, c'était quoi le livre? Moi, mon livre, c'était Lynchpin de Seth Godin. Si vous êtes un peu un fan de business books, c'est un must. C'est comme la Bible des... J'ai peur de piéger. Mais non, c'est ça. Vas-y, André. C'est à ton tour. Fallait que tu dises à Milton de faire des Snapchat. Round 2, fight. Même quand j'en fais pas, mais j'ai fermé mon son, man, puis mon téléphone, il fait du bruit pareil. C'est ironique, pareil. Pourquoi t'es-tu joint au Geek Collectif? C'est une bonne question, ça, hey, André. Pourquoi je me suis joint à ça? Mais hey, c'est parce que je l'ai parti. Il n'y a pas grand monde qui peut... Même nous autres... C'est deux mots. J'ai deux mots pour ça. Attention. C'est vrai? C'est vrai. D'abord, on va reformuler juste pour André. Pourquoi as-tu parti le Geek Collectif? Tu sais, comment on change a parlé une couple de fois. Ça a déjà été ouais, dit. Mais on a parlé une couple de fois, mais en gros... Okay. Un besoin grave d'attention. Un okay. grave besoin d'attention. Legeek.net, j'écris un paquet de textes que je finis jamais. Je publie pas assez de billets. Quand j'en publiais, ben, il se faisait partager pas pire aussi, mais c'était pas substantiel. Gros potentiel. Puis, décidé de faire une vidéo, paresseux au bout, procrastinateur, pas capable de d'éditer mes propres vidéos puis de les publier. Je sais pas, j'aime juste jaser avec le monde, j'aime juste avoir du fun, discuter, dialoguer, me rappeler des passes de films, apprendre un peu sa vie des autres. Puis le collectif, c'est con à dire, là, mais c'est juste avoir du fun en gang puis le partager avec le monde puis inviter le monde à embarquer. C'est juste m'en dire, c'est juste jaser. Tu sais, trois ans après dans l'aventure, là, ça a vraiment fait comme... Je me suis posé la question à un moment donné, pourquoi j'ai fait ça? C'est quoi le trip d'acheter X nombre de dollars de micro, puis de me mettre à m'enregistrer, puis de me mettre en ligne? Que puis... tu te poses cette question-là, le trois quarts du temps, et peut-être plus, pendant que tu fais de l'editing. Ah ouais, puis je fais comme plus, pourquoi je me donne ce trouble-là? Je me dis, pourquoi, asti, que j'ai fait ça, cet asti de projet-là? Mais sûr je que tu te le poses jamais, ou peut-être le 10% du temps quand moi et Eric on partait, là, ça va pas aider avec. Mais quand on enregistre, là, je me le pose pas. C'est mais après, c'est je fais quand même 10% des fois vient avec. Ils sont en train de parler, là, qu'on n'écoute pas. Non, mais c'est... c'est juste un beau trip, je trouve. Puis ça m'a permis de jaser du monde, puis rencontrer du monde, puis de voir des affaires. Puis c'est juste le fun. Alex, le chat a de l'air... André a parti le podcast pour le Nookie. Pour le Nookie. Oh, oui, le Nookie. Parce que Dieu sait que... C'est lui qui take the cookie. Let's take it up here. Oh, mais où ta casquette rouge? Tout le monde sait que... Et où ta casquette rouge pour que je puisse aller la chercher? Il y a plein de pop. Il l'a brûlé. Non, mais depuis qu'on a un podcast, il y a plein de pop après nous autres. Des pop, là, je parle des tu pap. Tu parles pas des pop. Pap. Des plots à podcast. Ben ouais, les plots à podcast m'appellent, me add à 116. Des papes. Écoute, comme je marche dans la rue, j'échappe des numéros de téléphone. Il y a les autres papes, les plots à podcast. Moi, là, chaque post Instagram, j'ai toujours des likes de des super de belles filles qui ont plein de belles filles. Russes, hein, je pense. Je sais pas, man. Tu proposes toujours d'avoir 1000 likes. Moi, j'ai plus de likes quand je mets hashtag vegan. Ils sont toutes mes socks. Hey, puis ils sont toutes super ouvertes. Ils sont comme, tu sais, message me, des choses comme ça. C'est vraiment nice, là. Non, mais, regarde. Bon monde. Pourquoi je me suis joint au collectif? J'étais tanné d'avoir des projets qui marchaient pas, puis j'avais le goût d'essayer de faire de quoi de différent, puis c'est aussi simple que ça. Puis je pense qu'après 3 ans, puis... Plus c'est rendu mainstream, les podcasts. C'est rendu mainstream. On va lâcher ça bientôt, je vous le dis. On va se dédier entièrement à nos télégrammes chantants à partir de 2016. Moi, je dis qu'on s'achète une grosse presse, là. Tu sais, comme, c'était quoi ça? Et le gars qui imprimait la Bible, là, il y a genre 600 ans. Des esclaves? Non, mais une grosse presse, là, avec des lettres que tu places. Ah, transcontinental? The printing press. Mais. J'ai long à Civilization, André Calis. Hey. Hey, on est au deuxième sac. Non, mais regarde, écoute, c'est ça. Parti un projet, puis. Je devais être tout seul, finalement. Ouais. Je cherchais des amis, puis. T'étais sous, puis. Ça a marché. Ça a sûrement parti avec moi pis Nick, ça a brosse à quelque part à m'amener. Puis... Merci André. Merci Alex. Merci. Fait qu'on est-ce quelqu'un qui pige un sujet un là ou je continue de radoter? On continue de même. Éric, j'ai peur de te redonner le bol. J'aime ça, tabarnak. C'est moi le prochain. J'aime ça, t'es après moi, t'as-tu fait. Non, tout est après, Éric. C'est ça, fait que donne-moi le prochain, je vais juste. Il veut se préparer, c'est parce qu'il veut tricher. Mais c'est le temps, là. Qu'est-ce qu'il va dire, Éric? C'est long, ça, man. Ben ouais, mais c'est bon. Ok, ben, c'est plate, cette question-là, parce que mon téléphone est cassé hier. Puis là, j'ai un nouveau téléphone. Ok. C'est encore mieux, je trouve, moi. Mais non, parce que j'ai rien. Parce que quel artiste musical se trouve dans ton téléphone intelligent? iPod ou iPad. Qu'est-ce que t'avais hier dans ton téléphone intelligent, iPod ou iPad? Tu sais, tant ici, j'étais... Tu sais quoi, ça n'a aucunement rapport avec Mortal Kombat, c'est même pas une joke. J'étais sur un trip de... Tram sonore, dans le System of a Down. Nice. J'avais leur discographie qui dure quoi, 6 ans? Puis ils ont pas fait d'album, ça fait 6 ans ou 10 ans même quasiment. Ils ont 3 disques. Ils ont 3 disques, mais 3 disques qui sont du Lightning in the Bottle, hallucinant. Ça dure pas 6 ans. Puis c'est ça, c'est le System of the Down, c'est temps ici. Mais à part de ça, je veux pas être le gros lâche, mais que je suis. Mais j'aime du streaming. C'est temps ici, je fais beaucoup. Pose-moi la question, quelle playlist t'écoutes sur Spotify ou quel channel tu suis sur Slacker? Ouais. Puis c'est temps ici, c'est beaucoup du... Yoga on Fire? Non, mais c'est... Yoga Fire! Peut-être Milter pourrait me l'expliquer, ce terme-là, parce qu'on parle souvent du post-crunk de Rouen ou des choses comme ça. Saint-Hyacinthe, le post-crunk. Mais... Chris, man, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça. Shout-out à Mauvais Acte et Farfadet. C'est ça. Mais du indie electro. Ouais. Electropop ou juste indie electro? Mais parce que je me suis Electropop, la playlist est bonne, man. Je me suis fait corriger. Je me suis fait dire qu'il y a un terme pour le. Parce qu'il y a un style de musique que ça fait une couple d'années que je trippe dessus. J'ai entendu le terme utilisé comme dream pop souvent. Mais c'est vraiment comme le genre d'électro des années, comme beaucoup des sons des années 80, de la musique des années 80. Le néo-post-crunk. C'est-tu whatever que ça s'appelle. Du dream pop, c'est genre M83. Ben, c'est un genre de new wave un peu, mais... C'est du new wave en étant... Mais Eric, pourtant, t'as pas de bague pis un ponytail. C'est tout ça que je suis posé d'avoir non, pour ça? Non, pas du parce que tout. Moi, de un, là, je suis... C'est des hipsters qui écoutent à part mes t-shirts là, que je me prends le temps parce que je les aime, j'ai magasiné en ligne des fois, je suis le gars le plus normcore avant normcore qui a jamais existé. C'est un gars qui a un V-neck pas de... qui ben, est dessus. Hein. Fait qu'au niveau du style, là, j'ai le genre de style où ce que je suis cool pour des jeunes filles de 20 ans puis que je peux pas toucher parce que j'en ai 35. Mais On est rendu là. T'as eu le moment vraiment où j'ai réalisé que j'ai fait là, on arrive. On est rendu là au moment où ce que t'as 35, non, t'as, mais... tu rentres dans un David's Tea. Oui, c'est que c'était dans même. Puis tu regardes, puis tu regardes la fille, puis t'es comme, pourquoi que t'as une jeune fille qui fait des mom jeans worky? Je comprends rien. Mais pourquoi tu étais dans un David's Tea? Mais je travaille pour une compagnie de vente cellulaire qui fonctionne ici au Québec, qui s'adonne, qui choisissent toujours les locales à côté des David's Tea. J'ai une anecdote. Il faut que tu prennes une photo en face. J'ai une anecdote de David's Tea. Je me prends un David's Tea. Il y avait des mom jeans dans la place? Il n'y avait pas de mom jeans, non. C'est parce que je suis à Mirabel, qui est les Montreal Outlets, qui sont à Mirabel. Je comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça, puis on l'accepte. Puis je veux me prendre un thé au jasmin. Fait que je fais, hey, je vais prendre un thé vert au jasmin. Puis elle me dit, ça va être 3$. Puis là, je prends mon thé. Puis là, elle me dit, ah, c'était ta fête récemment, tu le payes pas. Je fais, ah, cool, excellent. Hey, il est bon le thé. Ouais, il est vraiment bon. C'est combien 150 grammes? 35$. Hein? Tabarnak! Quoi, tu achètes du houlong ici? D'autres? Non, non, mais elle me l'a montré. Là. C'est un thé au jasmin. Là. 150. Un gramme de thé. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a combien? Grammes. 150 grammes, en fait. 150 grammes, OK. Qui est un flacon normal de David's Tea. Chris, c'est quasiment 40$ ta vaccine. Puis là, je dis, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Puis là, elle me le montre. Chaque fucking feuille est tissée avec... tu sais, ils sont comme roulés, puis il y a une corde qui le tient à ta... J'ai dit, je peux-tu en avoir qui n'est pas tissé, puis que je fais juste crisser dans tes yeux, puis... Non. David's Tea. David's... It's heaven in your cup. Non, David's Tea. David's Tea. Buy David's Tea today. J'aimerais savoir sucré. De la gave? Non. Du sucre. Du sucre de canne? Oui, du sucre. Du sucre. Mais. Du mais... sucre ton thé? Du sucre. Pourquoi je mets un peu de sucre dedans? Anyways, est-ce que tu buvais de l'eau? Non? L'eau, elle goûte à rien. Le thé, c'est comme si tu prenais tes bottes. Ma conversation, de l'eau sale. Mom jeans. Okay, that work. What the fuck? Ouais, fait qu'Éric, c'était quoi la question? Ton marketing est plus logique. Fait que ma question, c'était un secret à partager avec nos auditeurs. Fait que moi, j'aime EA. Ça, c'est ton autre question. OK, Milter, ta question okay. Maintenant. Vas-y. Je pige. Quel est le meilleur thé? Oh! Ton athlète de sport préféré. Brian Boitano. Non, mais je sais pas si vous savez si ça compte, mais... Peter Svoboda. Jake the Snake Roberts. Jake the Snake Roberts. Jake the Snake Roberts. Sinon, Russ j'ai un penchant Undertaker qui a formé ma jeunesse. Mais j'aime avant bien ou Jake... après la perte de cheveux? Je m'en fous. Undertaker, le chapeau est correct. J'avais des jogging Undertaker. Marc Undertaker, c'est tout le long de je la paierais en esti pour t'avoir porté des jogging. J'ai mis jogging. Des photos. Le tramp stamp, c'était quasiment pour être J'ai une photo sur mon Facebook de moi en jogging Macho Man. C'est-à-dire à quel point j'étais un fan de lutte. Il y a vraiment un tramp stamp. Oui, j'ai vraiment un tramp stamp, mais c'est Guns N' Roses. Mais moi je vais dire Jake the Snake Roberts. Hey, peux-tu compter l'anecdote, juste, excuse-moi, mais Montreal Comic-Con, que t'as Milter qui se lève le matin, pas de t-shirt, puis qui s'en vient dans le salon, puis le kit, t'as juste moi et Eric, on s'en regarde, puis on fait « Y'a-tu un tramp stamp? » Puis t'as Eric qui fait « Chris, y'a un tramp stamp, man. » Je l'ai eu avant qu'on appelle ça un tramp stamp, par exemple. Ça, c'est très drôle. Je suis un hipster du tramp stamp. T'es... Ou je suis juste fucking vieux. En fait, tu viens de toucher un bon point sur les hipsters. Est-ce que je suis hipster ou je suis juste vieux? Je suis tellement vieux que l'affaire que j'aimais il y a 20 ans est revenue à mode. Fait que là, le monde pense que je tripais là-dessus avant. Oui, je tripais là-dessus avant tout le monde, mais tu sais, comme... Avant ceux de 20 ans, fait que là, t'es automatiquement un hipster. Mais c'est ce qu'il y a fait. Vieux, non, non, mais non, si non. On se fie à Grand Theft Auto 5, c'est du proto-hipsterism. Mais dis-tu quoi, le quand concept... t'as 20 ans, oui. Quand t'en as 35, puis tu l'as vécu, toutes ces affaires-là. Non, mais le proto, c'est comme t'étais hipster avant que le concept de hipster. Le proto-hipster, c'est aussi rentrer dans un Williams Suisse, écouter du Three Doors Down avec les trois jeunes toutes cool qui pensent qu'ils sont en train d'écouter du classique. Puis t'es là, puis t'es comme... C'est Three Doors Down. Puis Three Doors Down, c'est de la crise c'est de marde. C'est de la crise de marde dans ce temps-là. C'était de la marde quand c'est sorti, genre. Oh, man. Fait que c'était qui de pigé, là? Monsieur... Alex! Turquoise, Alex. Merci, André. Ça fait plaisir. T'es poli, Alex, pour un gars qui fait du podcast. Closing merci. Time. Ça, c'est semi-sonné. Whatever, même est-il à part. Oh, quelques... Attends un peu, il hoche la tête. Il faisait comme Ding et Dong. Là. Android ou Apple et pourquoi? On est tombé sur le seul gars qui a pas un G3 de la gang. Il n'y a même pas de téléphone. Il y a un Padget, Alex, je pense. Ouais. Quand elle a été. Soleil 69, c'est quand qu'il va. Ils sont dans mon holster de Padget. Soleil 69. Oui, Apple, pour moi. Pourquoi? Parce que quand ça sorti l'iPhone, je trippais. Puis après ça, ça a juste devenu un brand familiarity, brand loyalty. T'sais, en français? Aucune idée. Une loyauté de la marque. Une loyauté de la marque. Et une familiarité de la marque. Brand loyalty. Loyal College à la marque. Loyal College. Yeah, I still don't know. Araignée. Oui, puis après ça, ben je restais avec la même marque. J'étais, de temps en temps, je pensais oh, peut-être que je vais changer mon téléphone pour avoir un Android, mais dans le fond, j'ai resté avec le même brand. Puis après ça, t'es tombé dans l'iPad. Je trouve que le App Store est meilleur. Puis aussi, j'ai vu un excellent un talk, un podcast, quelque chose, un videocast que quelqu'un expliquait que... Les produits Apple, c'est un signe de prospérité. Élitisme. C'est l'élitisme. Puis ça fit ça avec toi. T'es pas en train d'écrire un article de clickbait en passant. C'est que t'es pas obligé de faire du bullshit, là. Ah non, mais c'est vrai pour lui. Hey, ça l'aide. Hey. Puis ça existe pas Grindr sur Android, donc ça me sert à rien d'avoir un Android. Pour de vrai, hey, good artist pas? Copy, great artist steal, but not from me. Ben dans le fond des vidéos, puis j'aimerais partager si je... Ouais, moi je veux juste... OK, on est rendu au point de la soirée où le toupette d'Eric est croche, puis il quote Steve Jobs. Ben, pas rien qu'il quote Steve Jobs, il menace quasiment Steve Jobs. Il est mort, tu sais. Il menace Alex avec une quote de Steve Jobs. Je vais te déterrer. Non, mais Steve Jobs, on s'entend, là. Good artist copy, great artist steal, puis t'es tout fier de ça. Puis après ça, une couple d'années plus tard, great artist copy, good artist whatever, but not from me, asshole. L'accent ouais, d'Alex est comique. C'est qui gagne? Merci, bon toi moment. Ou lui qui est mort? Guys. Ben, OK, Alex, excuse, il y a Apple. Là, oui, Apple. Guillaume est en train de piger. Ça... Et puis, j'entends les poils sur quoi? Ils n'entendent pas parce qu'ils n'ont pas leurs écouteurs. Ouais, puis je voulais même pas, je voulais essayer un Microsoft. Comme, ouais, la tablet, surface est intéressante, mais moi je dirais iPad. Tablet, c'était entre iPad ou Microsoft. Hey, les gars, je voudrais pas vous déranger pendant votre podcast, mais on a un autre podcast on the side avec un gars qui pique. C'est proto. Je pensais qu'il. Guillaume, pige ton sujet. Il est allé de m'entendre faire des bruits bizarres dans le micro. Je suis allé. Tu es en rapid fire déjà? Ah, pas bien. Ah, ça va être bientôt. Un dernier tour après. Ah, tabarnak. Qu'est-ce que t'as pogné? Best porn site. Il s'est amusé, je pense, avec les questions. Ouais. Là, il a hâte de voir les questions. C'est la question de la plus cheesy possible. Surtout, puis Milton va comprendre. Là. Quel est ton plus grand accomplissement? Ça, c'est le genre de question fucking. Oh. Tout le monde en parle de marre. C'est ton enfant, puis il passe au prochain. Ouais, c'est mon kid. Oh. Next fucking loser question. Ah. OK, André, c'est quoi ton plus grand accomplissement? Le collectif. Ta barbe. Boom! Yeah. Fait que t'es-tu en train de dire que ton kid il est meilleur que le collectif ou le gars, toi? Mes questions pour ce soir. Blood is thicker than water, man. And beer. Moi, j'aurais dit autre chose. But not mother. Tu t'en as trois, t'en as deux enfants. Non, que les enfants. Ah, OK. Mais... non, mais écoute, ah, là, si, bon, hey, mon enfant va écouter ça en 2048, il va faire comme ah, si mon père oh, mais pas moi, il va avoir trouvé de quoi. Comme il y a 7 ans là, je peux pas mettre 2018 comme toi là. Ça l'est pas pire. Question île déserte. Oh, qui serait selon toi le meilleur partenaire pour survivre sur une île déserte? Sur une île déserte. Okay. Est-ce que Chuck Norris est dans la banque de Oliver Queen? Ouais, pas pire. Fucking depuis que j'écoute Arrow là puis que je vois les shit que ce gars-là il a enduré sur une île avec des mercenaires du monde fucking random, se fait tirer des flèches dans le chest. André, Chris, ce gars-là va m'aider réponse. À survivre, man. C'était pas une bonne réponse. Oliver Queen m'aide à survivre sur non, une île déserte. T'aurais dû choisir Lara Croft si t'as joué le dernier Tomb Raider parce que ça vient avec des deux avantages. Ouais, mais prude. T'as-tu vu? T'as joué? Come on. Donc, je veux juste survivre. Puis sais-tu pourquoi j'ai pris Oliver Queen? Il crisse son camp de l'île. Il reste pas pris dessus. Avec ou sans toi? Ah, attends, pardon, j'avais pas pensé à ça. Hey, c'est vrai, lui, tout le monde autour de lui meurt. Lui, il va te voir comme un méga boulet. Tu sais, je veux pas être chien, là. Hey, je suis pas si pire que ça. Je suis capable Pense aux avantages. Attends. Si Lara Croft, tu viens trouve commencer. Un feu de camp, tu es correct, save. Non, mais tu peux crever dans deux, trois mois. T'as baisé Lara Croft pendant trois mois. C'est déjà une raison pour vouloir mourir en paix après. Tu veux dire que, gars, il pense qu'est-ce que je vais atteindre de plus haut que moi, ça. Je pensais stratégique, genre survie, puis vous autres, si vous pensez... Lara Croft, finalement, je vais changer mon choix. Lara Croft. On pense stratégique aussi. Là, on pense à toi. On veut que tu survives. Sans Lara, t'es... C'est vrai que je vais courir plus vite. Qu'est-ce qui arrive si tu glisses puis t'es en train de tomber en bas dans une falaise avec plein de choses sharp qui viennent? Mais au moins, quand tu te fais rentrer avec le pic d'en face, tu recommences. Ou tu peux l'éviter la prochaine fois. Ou t'as laisses y aller avant puis tu dis, oh, voilà. OK, non, pas par là. Mais tu peux faire pareil que le gars d'Arrow, je pense. Ouais, ça c'est un autre genre de question qu'André a pu se forcer un peu plus que ça. Hey! On pense à j'ai ma badge en formation, je suis correct. Tu peux t'en permettre. Attends, là, on n'a pas fait le hazing encore, là. Ce qui est bonne, celle-là. Garde ton chandail, Alex. Ta question, le hazing qui est bon. Fait que moi, je trouve ça drôle parce que j'aime comment est-ce qu'André, il y a des quelle est ta toile? Mais j'ai une réponse, je pense. Mais quel est ton jeu vidéo préféré? Oh! On va se faire parler de World of Warcraft! Hearthstone! Moi, The Sims? Hein? The Sims. Tonic Trouble de Ubisoft. Bon, Tonic Trouble, ça a été fait en fin des années 80. Non, OK. En 1944. Mais non, c'est un des premiers gros jeux vidéo. Mais, sais-tu quoi? Je dirais, ben j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix de dire wow. Mais je sais pas si je vais dire. Je suis surpris. Je suis l'affaire qu'il y a de wow, puis des fois je le sens me délaisser un peu. Des fois je me sens comme c'est un peu passé. Wow, te délaisse ou tu délaisses wow? Moi je délaisse wow. Non, wow, mais pas délaisser. Wow, assez très fort. De me garder avec. T'as pas de token? J'ai pas. Tu sais quoi, le pire, c'est que je peux m'acheter des. Comme ça, c'est l'autre affaire. C'est que j'ai figuré une manière de faire bien du cash dans ce jeu-là. Moi, je pourrais prendre des tokens. Je dis ça de même. Hein? Mais les tokens... Vends-moi une pièce, man. Non, mais un token de sur mon serveur roule environ 23 000 gold. Fait que si tu connais WoW un peu, j'ai un serveur qui est quand même assez fonctionnel, mais pour 23 000 gold, que des dailies, tu roules en l'entour de 2 000 gold, tu peux t'acheter ton 30 jours maintenant. Ça, je trouve ça cool. Mais, ouais, WoW, parce que j'aime juste la versatilité de WoW, puis j'aime qu'est-ce qui va arriver avec... J'aime le style... Comment est-ce que ça l'a popularisé le style MMORPG dans une manière qui est tellement accessible? Puis c'est le meilleur jeu qui a jamais été fait à vie. Aussi, c'est le meilleur MMO qui a jamais été fait. Tous les autres MMO, c'est de la marde. Je l'entends parler de WoW, puis j'imagine Rick James dans ma tête. Il me fait vraiment penser à Rick James. Non, mais je dis WoW parce que moi la seule fois que je connais, c'est Leroy Jenkins. Est-ce que tu restes toujours avec le même personnage? Tu restes toujours avec ton Max Level? Moi, quand ça vient à des jeux vidéo, je suis un gars très loyal. Fait que moi, depuis le temps de Dungeons & Dragons, je suis un gars très paladin. Puis ça a l'air de rien, mais j'essaie les autres personnages aussi. J'ai un niveau 100 en ce moment, puis c'est mon paladin que j'ai, ça fait quasiment 10 ans. Mais j'ai un niveau 90 monk, un warrior que des fois... Et moi, j'ai un worgen level 12. C'est ça. mais tout ça pour dire que je suis très loyal à ma classe. Fait que mon character est plus les là. Les Taylor Lautner. Puis Alex. Taylor Lautner Squad, man. J'ai écouté un podcast tantôt. Alex, j'ai... mon Priest, qui est mon paladin dans WoW, je joue à Uther. Je suis rendu au-dessus de 200 games déjà en Heroes of the Storm avec Uther. Puis j'ai un deck de paladin qui est sûr que si j'avais le temps, je serais rank 1, mais là, je suis 17, puis je te fous quand même à voler. Comme à Hearthstone, mais c'est ça. Mais j'ai mon deck paladin qui est correct. Là, tu sais, je fais ma job, je suis capable de surprendre des gens. Tu viens te faire quoter sur le chat en passant. Sur le chat, t'as Cassutor qui marque Priest le fucking paladin. Le fucking paladin, man. J'adore. Puis j'adore tout. En tout cas, tout ça pour dire que j'aime WoW. World of Warcraft, c'est excellent. Puis j'aime ce style de jeu-là aussi. Quand il y a un jeu qui ressemble à un MMO que j'ai appris à aimer. WildStar, t'as trippé. WildStar, j'ai trippé. Mais tu dis quoi? J'ai trippé WildStar pour assez de temps. Comme j'ai trippé WildStar physiquement là, pour comme fucking 70 heures. Là. T'sais, oui, j'ai peut-être lâché après 3 mois, mais fuck, j'ai joué un jeu pour comme 70-80 heures. Moi, ce que j'aime de WildStar, c'est que quand tu le dis vite puis que t'es un peu chaud, ça sonne comme WorldStar. Hip-hop! J'ai l'impression que le monde pourrait se battre. Rappelle-moi pas de ça, par contre, là, parce que là, je réalise que j'ai manqué ça. Eric, World of Warcraft. Moi, j'ai manqué le WorldStar Hip-hop quand j'étais à toi, puis je l'ai encore sur le cœur, man. On va te le faire écouter. Ok, merci. Milton? Moi, ce que j'ai remarqué d'Eric, c'est que, pour rester sur son sujet bien vite, il dit qu'il est un paladin souvent. Puis un paladin, c'est loyal pis tout. Moi, à toutes les fois que je joue un style de jeu de même, mais je suis un thief qui backstab tout le monde. Est-ce que ça veut dire quelque chose par rapport à moi? Absolument. Ouais, OK. je me demandais, mais... Mais je pense que t'es quand même chaotic good, toi. Ouais, peut-être, t'es absolument chaotic good. Faut pas que tu le vois méchant, là. Mais sauf je suis tout le temps chaotic good, invisible, je backstab, double attack, away. Pourquoi t'es-tu joint au collectif? Oh! Parce que l'histoire, c'est que... J'ai parti il y a une couple d'années sur un coup de tête en parlant avec un gars qui s'appelle Nicolas Dénommé et un autre gars qui s'appelle Sylvain Marcoux, qui est un gars, si jamais vous voulez vous marier, il fait des mariages, puis il est drôle en crisse. Marcoux, il rock, man. On parlait, puis sur un statut Facebook random, en discussion, on disait « Hostie, que c'est fatigant le monde qui t'invite dans des groupes ». Pis c'est tout le temps un groupe de marde, genre, pis... J'avais oublié que c'était par ça qu'on s'avait connu. Ouais, mais c'est ça. Pis là, en gros, c'était comme, c'est fatigant, tu te fais aller dans un groupe, pis dans le temps, en tout cas, les settings Facebook, pis j'espère, je me donne tout le temps un peu le crédit de me dire qu'à cette heure, Facebook ne donne plus automatiquement les notifications à des groupes, parce que tu te faisais joindre dans un groupe. Puis encore aujourd'hui, tu peux inviter le monde dans un groupe, ça les add automatiquement. Ouais, c'est totalement random. C'est même pas la personne qui a un mot à dire sur oui, non, j'accepte l'invitation. C'est juste, t'es dans le groupe, mange la marde. Mais avant, c'était, t'es dans le groupe. C'est vrai. C'est vrai. Oui, attends. C'était cool. T'arrives, puis là, c'était l'affaire, c'est que tu te faisais adder dans le groupe, mais en plus, les notifications étaient tout le temps automatiquement à on. Fait que tu rentres dans un groupe, tu le sais pas, puis en plus, tout le monde poste comme des débiles, puis chaque post, chaque commentaire, chaque like, tu recevais une notification. Puis moi, je peux vous dire que j'étais à job pendant que ces hosties-là m'ont rajouté là-dedans. C'est arrivé. Et, premier shot que j'ouvre, l'hostie de groupe de merde que tu te fais inviter là-dedans, mais là, c'est tu sais ça même pas pourquoi. Je l'avais pas encore parti. On était en train de faire l'inside dans le statut, puis là, en joke, pendant qu'on parlait, en répondant à comment que c'est de la merde des groupes, j'ai parti un groupe qui s'appelle... Hostie de groupe de marde, puis ça c'était le nom officiel. Hostie de groupe de marde que le monde t'invite dedans puis que tu t'en calisses. Puis je voulais continuer à écrire, dire que tu t'en calisses d'être dedans puis que tu reçois plein de notifications puis ça mais fait chier tout le monde. Mais t'avais atteint la limite, là. Je m'ai rendu compte qu'il y avait comme 400 lettres que tu pouvais écrire en tout cas ou de quoi. Puis là, j'ai invité qui? Nick puis Sylvain Marcoux, les deux. Puis les deux, tout de suite, dans le statut, ça a juste fait comme. Asti que t'es con, nanana, c'est une joke. J'ai juste invité ces deux-là. Mais ces deux-là, ils ont décidé d'inviter tous leurs amis. Puis, en gros, dans le groupe, la description, c'était le titre. Puis ça disait « Invitez vos amis ». Tu sais, le « Partager massivement ». Fait que abonne-toi. C'est ouais, le dans le temps, on disait juste « Invite tes amis ». Puis tout le monde... a trouvé ça drôle. Puis ils ont invité de back in the day. Puis tout le monde a invité leur monde. Moi, j'ai invité mon monde. Fait que là, il y avait comme 3000 personnes qui, eux, invitaient leur monde. Puis là, le groupe de merde, il n'y avait pas vraiment de règles définies. Fait que c'était juste post de la merde. Fait que des photos de pénis, des photos de tâtons, des photos de bobies, des photos de monde mort, des photos de nanana. Puis ça commentait, mais... ça faisait des notifications à tout ce monde-là sans arrêt. Puis j'ai reçu au-dessus de 100 messages cette soirée-là, inbox de monde qui dit « Mon tabarnak, hein, tu m'as vidé mon sel, j'étais au restaurant, mon sel arrêtait pas de vibrer, qu'est-ce que t'as fait, mon nanana. » T'as moi qui ouvre le groupe devant la fille des RH dans le temps au bureau, puis je fais comme « Hey, écoute, je suis vraiment désolé, j'ai aucune calice d'idée comment ça... » Man, première affaire, là, j'ouvre ce groupe-là, je fais comme, bon, t'es invité dans le groupe, c'est quoi cette affaire-là? Je rouvre. C'était trop. Le monde qui connaisse pas, c'est quoi un anal flower, là? Il y avait ça. Googlez Ain't juste No moi Flower comme... dans Google Image, ça va vous expliquer. Calisse, je viens d'avoir une plainte ou je prends ma job. C'est ça. Hey, mais moi, est-ce que c'était la même fille des RH? Non, c'est totalement différent. J'aimerais faire une parenthèse mais sur ce groupe c'est de marge-là. Juste pour dire, c'est de même que moi et André, on s'est connus. Puis moi, c'était le même groupe-là. J'aimais expliquer mon expérience là-dessus, puis vous connaissez assez par maintenant que c'est sûrement ça qui est arrivé. J'ai vu le groupe, j'ai rentré dedans, j'ai sorti. T'as fait le bon choix. Moi, j'ai pas été aussi vite. T'as pris deux secondes, j'ai dit « Ah, non ». Il y a plein de monde qui ne catchait pas comment, puis comment que je suis rendu là, puis nanana. Moi, ça a vraiment fait comme « Hey ». Explosé, là. Et tabarnak. Mais en gros, en une soirée, il y a eu genre 15 000 personnes actives, puis ça a rebaissé à 9 000 en vraiment pas long. Puis en gros, André, à cause de ça, m'a dit... On s'est parlé par après, on a parti à un autre groupe, puis il m'a dit tu veux-tu venir, on fait un podcast, nanana. Il a vu qu'on se connaissait du monde en commun, nanana. On s'est rencontré un café à Laval. J'ai pris une petite chance pareille. Mais je suis super content qu'il ait fait ce petit groupe de cul-là, parce que à cause de ça, j'ai pu te rencontrer. Mais juste de même, pour le monde qui me connaisse pas, j'en fais plein d'autres marres du genre quotidien. Puis les notifications, mais toi, tu t'en es-tu sauvé finalement? Ben, c'est moins pire. C'est moins pire. Il a pris le package, j'en ai mis Alex. Tu as piégé une question. Oui. C'est important que les gens connaissent Alex et Guillaume, tu sais. Fait. Quelle version de Spider-Man préfères-tu? Oh my God. Il y a plusieurs. Ok, décollé. Version Tobey. Finalement, Alex est out. On parle pas du film. Il y a Garfield, il y a Tobey. Il y a Miles Morales. Non, peu importe. Oh. La version de Spider-Man que t'aimes le plus. Il y a Amazing. Pendant qu'Eric te flash un flash. C'est. Probablement à cause de la nostalgie, mais... Le Japanese Spider-Man? Oui, non. C'est... Ouais. Oh, yo, yo! Le manga Spider-Man. C'est le animated version, le animated Spider-Man. 1990, hein? Ouais. Ah, c'était bon, ça! C'était excellent. C'était le Spider-Man pour moi. Il y avait le vintage aussi, là. De 1967. Non, pas l'original, je pouvais pas. Dude, le 1967, c'est le best fucking meme ever, man. Je l'adore, j'ai le coffret DVD du 67. Puis pour moi, c'est plate, mais Batman et Spider-Man vintage, c'est les meilleurs. Ah, je suis pas capable. Batman vintage, je suis pas capable. Le Batman avec Adam West, là, c'est Batman pour moi, c'est capable, ça. Moi, après Dark Knight, un mot, la question mais c'est Spider-Man, je le sais. Mais Spider-Man 67. Ouais, j'avoue, là. Mais tout, ouais, je sais, Spider-Man. Mais le Spider-Man 67. Yo, Hijacker, là, laisse les dons. Le acid jazz. Puis Spider-Man qui swing, genre, under Manhattan, qui s'est fait abducted par des extraterrestres, saison 2 de Spider-Man. C'est Spider-Man 1967. Okay. Il swing en dessous de les années de 60, hein, il y a bien de la drogue. Bien de la drogue. C'est fou. Quand tu regardes l'émission, là, tu te rends compte à quel point l'acide était bonne dans ce temps-là. Ouais, mais ça, sérieux, là? Mais Alex, c'était lequel? 1990, moi j'approuve ça. À part mais ça, j'ai beaucoup aimé le Ultimate Spider-Man. Parce que, Ultimate big surprise, I read comics. Non, mais Ultimate Spider-Man, Peter Parker ou Miles Morales? Miles Morales, moi j'ai trippé, man. J'étais sûr que c'était Black. Je le commence là bientôt. Là. Il est fucking bon, man, Miles. Je viens de finir le Ultimate Comics, volume 4, la deuxième. Le numéro 4 du deuxième volume qui est la mort de Peter Parker. J'adore le Doc Ock Spider-Man aussi. Ouais. Mais ça c'est le current, c'est pas le ultimate. C'est le superior Spider-Man. Superior, mais il est quelque chose, hein. Il est bon, Mais non, vas-y. Il fait un bon super-héros, ce gars-là. Autant que j'adore Peter Parker en tant que personne, il me fait me rendre compte à quel point que oui, c'est un lâche. Mais c'est un goody two shoes. Mais j'aime beaucoup. Guillaume. Je suggère la lecture. Alex, il voulait faire un mot de la fin, je pense. Et le série de Spider-Man 90, c'est le intro. Parce que moi, j'adore les heavy metal intros. Mais c'est celle de YTV, tu parles, je pense. Ouais. Avec Tombstone, puis le vampire, que j'ai oublié son nom. Morbius. Mais c'est le gars d'Aerosmith qui fait le theme song. Fait que Joe Perry. Ouais, mais tous les cartoons des années 90, comme Batman Beyond, en 90, c'était plus de l'air à aimer ça. Ouais, c'est vrai. C'était fucking bon, man. De Guillaume Question. Guillaume a la question. Il y a un chat qui s'évache à côté de moi. C'est Sky, le chat national du collectif. Sky et non Skype. Sky. C'est un peu méta comme question. Sky. C'est méta? Oui. Oh. Quel site internet consultes-tu à chaque jour et pourquoi? Ça part de Bing. Là. Surtout toi. Là. Ouais, surtout ceux qui ne savent pas, je work dans le web. C'est Guillaume, c'est un webmaster. C'est un webber. Un webber. Bing. Non, Bing, c'est sur ma blacklist. Ah ben, tu manques de quoi, parce que c'est très bon. Excuse, à partir de maintenant, tu es dans le collectif. Tu dois utiliser Bing. Bing est ton site préféré. Sky, fuck même si tu ne vas jamais dessus. Moi, j'aimerais dire une chose sur Bing. Tu dis, genre, Samsung Customer Support. La première numéro de téléphone qui va apparaître, c'est le Samsung Customer Support. Tu fais ça sur Google, puis tu vas avoir 15 paid ads de des esti de scam qui veulent que tes appels... Ouais, mais les paid ads sont en jaune, puis tu continues en dessous. Ouais, explique ça, monsieur, madame, tout le monde. C'est quoi le Google? Oh, c'est rendu fait que c'est quoi ton site préféré, Guillaume? Donc, Yahoo.com. Avec la convergence et tout ce qui... Les gros portails que nous connaissons, les par défaut, les sites que je vais tout le temps, c'est Facebook et YouTube. C'est très générique, je l'admets. Je suis un fan de hockey. Je vais sur le site danslescoulisses.com. Oh, je connais des gars qui run ce site-là derrière les coulisses. Pas de problème. Sinon, je vais... qu'est-ce que je fais à part ça? Carnegie. Ouais, mais Carnegie, c'est un shameless plug. C'est que je veux pas rentrer là-dedans. Mais là, tu ouvres la porte. C'est moi qui le dis. Ouais, que... c'est ça. C'est un de mes projets, Carnegie. Je vais pas trop souvent à l'estancy à cause de Forza Horizon, qu'on parlait plus tôt dans l'émission. C'est quelque chose. À cause des Blue Waffles. Ouais, non, peut-être pas. quel autre site on que je prends? On decide, là. Un petit Blue Waffle. VortexSolutions.com. GeekCollectif.com. GeekCollectif.com. Demain. Demain, Reddit. Hein? Il y a quelque chose qui se passe demain avec ça, il me semble. Ouais. On en reparlera un autre jour. Puis, c'est pas mal ça, honnêtement. Je suis boring un peu dans ces toits. Ok, fait dans les coulisses.com. Pour le hockey, c'est dans les coulisses.com. Le parce que 25 Stanley, c'est juste c'est trop mainstream. Mais je suis vraiment un genre de cordonnier mal chaussé. Je suis pas un genre de gars qui fait comme ça une espèce de tournée. Là, pendant de très longues années, j'ai testé le matin, j'avais ma routine où j'allais genre Gizmodo, Engadget, Tom's Hardware, Anantech. Puis là, je faisais comme toute la routine, puis j'y allais. Mais sinon, c'est juste. Je vais chercher mon information. Je trouve qu'avec les médias sociaux à Star, mais tout est aggloméré. Tu l'as tout de suite. Fait que des fois, c'est juste dans ta journée. Mais c'est ça, c'est pour ça c'est Facebook, YouTube, Twitch. Tu sais, comme juste pour pogner mes podcasts. Puis après ça, c'est. Je vais aller avec l'information que j'ai besoin, puis ça finit là. Tabarnak, je voulais pas pogner celle-là. Excusez. Quel est ton personnage de jeu vidéo, bande dessinée, film, série télé préféré et pourquoi? Tabarnak, c'est broad. C'est très large. Moi, je suis prêt à gager que c'est un des quatre Ninja Turtles. Non. Non, même pas. Ah. Même pas? Tabarnak. Je vais vous surprendre avec celle-là. Hank Moody, Californication. Oh. Est-ce que tu te reconnais? Non. Non, mais je trouve que... C'est Mulder, là, tu parles. Mulder, oui. Okay. Non, mais je trouve que c'est un personnage que... T'aimes te faire puncher par des underagers, par le sexe. Non, mais... Dis de même, c'est... parce que Hank Moody, là... OK, Californication, je trouve que... Comment je peux dire ça? Il y a une couche de surface où les gens vont l'écouter et vont faire « Oh, Californication, j'ai pas embarqué. » C'est à propos de... Ok, c'est juste David Duchovny qu'il faut des filles. And? Puis, ben, déjà, il n'y a pas de problème, mais pousse ça plus loin, puis c'est un personnage tellement complexe, tellement drôle, tellement... J'ai vécu une panoplie d'émotions en écoutant les saisons de Californication où le personnage, tu sais, tu le vois au début, puis tu fais comme... Puis là, c'est pas des spoilers, mais saison 1, mes impressions, c'était genre... Il est bien fucké, calice, man. Ok, man, ce gars-là, il court, il couche à gauche puis à droite, tu te quittes. Saison 2, tu fais... Ah, ok. Non. Il tripait sur une fille. Tu prends ça pas une fille à la fin de saison 1. C'est ça. Là. Saison 2, il tripait sur une fille, asti, puis il a brisé le cœur, puis il s'en est jamais remis. Saison 3, tu fais. Finalement, le gars, il est pas si pire. C'est son entourage, man. Son entourage est poison, puis il est fucké. Puis il y a tellement des évolutions de ce personnage-là. Puis, gros props à fucking Duchovny qui s'est perdu dans le personnage. Qui est juste arrivé, puis il a fait comme... Il est allé suivre des cures de désintox, puis de nymphomanie. Mais c'est un méta-personnage. Le gars, il s'est abandonné au personnage, puis Californication m'a tellement fait rire, et était tellement fucké, mais ça m'a fait triper cette série-là pour ça. C'est ça qui est hot dans des questionnements. Moi, j'aurais juste dit genre le chien dans Adventure Time. Dans la galerie. Puis, lui, il a une style d'explication profonde. Mais, il est deep aussi. Parlant du chien dans Adventure Time, je m'excuse, Eric, je te fais commencer là-dessus, mais nous sommes présentement à 1h50 dans l'épisode. Nous débutons la rapid fire. On va faire 3 tours de table rapid fire. Okay, Eric. Ok, le rapid fire, c'est vraiment avec des longues questions comme ça. Si tu pouvais rencontrer une personne de ton choix, peu importe l'époque, la vie ou la mort, on l'a dit qui tantôt. Sera-t-il? Non, c'est pas grave. Je les ai mis 2 fois parce que je laisse la chance à tout le monde. Ah, ok, pour ça, ouais. Eric, qui tu veux rencontrer? Ben, c'est exactement ça que j'ai posé quasiment. J'ai dit Carl Sagan. Et voilà, Carl Sagan. Écoute le podcast de 20 minutes, tu vas savoir. Quel est ton film préféré? Natural Born Killers. Oh, ça marche, ça. Alex, ça a toujours été mon préféré. American Experience. Quel est ton jeu vidéo préféré? Final Fantasy Tactics. Guillaume. Ah, ça faisait vite. Fallait vite, ça. Rapid Fire. Quel épisode du collectif recommanderais-tu à un nouvel auditeur pour débuter? Il a dit pas que c'est un autre. Il faut commencer avec aujourd'hui parce que moi et Alex, on est dedans. Mais shout out to Nick, Christian et Mel. Quel dernier livre as-tu lu? C'est lui que j'ai lu tantôt. Calice, t'es pas chanceux, mon gars. Les chances. Le chat, il capote en l'air de moi. Il est en train de faire une orgie de papier. Fuck, Mary Kill. Calice, ma blonde va mailler. Vite, okay. Vite. Première question. Fuck, Mary. Ma blonde, kill mon ex. Maintenant, la vraie la réponse est fantastique. Fuck. Si je recule en 1996, Heidi Klum. Oh, ok. Oh shit. Ok. Tu ruines un peu le concept de Rapid Fire, mais lâche pas. Mary. Oh, mais un tough, celle-là, parce qu'il y a des répercussions. Non. Ceux qui écoutent, je vais dire. Je connais pas son nom, mais ceux qui écoutent. Non. C'est quoi son. Je connais pas son nom, mais j'ai fait l'émission avec Kevin Bacon en ce moment, The Following. The Following. Non, pas celle-là, excuse. The Blacklist, la détective brunette dans The Blacklist. Oui. Elle. Celle qui est sa liste. Puis Kill, je vais dire. Barrette, comme j'ai dit tantôt. Tu l'es 2 fois, il est tellement gros qu'il sait pas si tu l'as tué déjà. Ton podcast préféré, peu importe la langue ou le contenu, fucking Pointless avec Kevin Pereira, man. T'écoutes pas ça, tu manques du contenu de qualité. Pour moi, c'est the best. Pointless. Et Rafale, deux, man. 2-3. Go. 2-3. Quelle est ta voiture de rêve? Une fucking Trans Am Firebird 1978. Je voulais cette question là avec dessus là, ouais, ça là. En passant, ajoute-moi à Forza 5, je vais te fourrer à voler dedans même si t'es un Audi. Man, je voulais cette question là. T'as un RPG là pour tantôt. Okay. Ton souvenir geek le plus cher, le plus dispendieux, je dirais pas le plus cher de même, mais toutes les soirées à jouer au Nintendo avec mon père quand j'étais jeune, faire Bros. Mario Bros, nice. Puis tout, ça m'a parti, ça m'a encouragé, puis ça a pas lâché. Alex, quel site internet consultes-tu chaque jour et pourquoi? Facebook, Pornhub. Yeah, you know what, you porn fuck it. Pornhub. It's okay, we touched the porn in the first 10 episodes. Attends, Pornhub, you porn, même chose? Ouais, même combat. Okay, quels artistes musicaux se retrouvent dans ton téléphone intelligent, iPod, iPad? Je sais pas si Vezo est encore sur le stream, mais Vezo, il y a une bibliothèque pour ça. Moi, je dis Trice et Gaslight Anthem. Nice! Sans restriction de budget, quel item te procures-tu dès aujourd'hui sans hésitation? Ah, j'étais envieux de ta question de char. Merci, j'ai mon char. Elle est là, ta question de char. Dodge Challenger ART 72 ME, man. Est-ce qu'on se ressemble? Boum! Dans les chars modernes, c'est sûrement celle-là que je me prendrais. Ah, moi, c'est un 1972. Moderne 72. Et les nouvelles Challenger, je les aime aussi. Challenger Hellcat. Fait ma question... Sans restriction de budget, quel item t'as procuré-tu dès aujourd'hui sans hésitation? Challenger Hellcat. J'ai déjà eu mon char de rêve, tout ça, mais ça serait vraiment comme... J'aimerais acheter un ordinateur un jour sans budget. Sérieux, là, avoir le budget de fou, là, puis juste pogner la machine avec les écrans que je veux. Man. Mais sur le chat, là, allez sur motortrend.com ou sur le YouTube, là, puis allez voir Charger ou Challenger Hellcat. Vous allez jizz dans vos pants, c'est clair. Jusqu'à temps que vous voyez la Trans Am Firebird. Non, le L4, tu vas brailler. T-Top, 351, Ce sont toutes les équipes J'ai mon affaire. Un secret à partager avec nos auditeurs. Je sais pas si c'est un secret, mais je voudrais dévoiler mes vraies intentions avec l'utilisation de mon compte Facebook et ces affaires-là. C'est juste un exutoire. On peut arrêter de choisir nos questions. Tout le monde pense que je fais ça. Tout le monde qui pense que je fais mes niaiseries pour du fame ou quelque chose ou quoi que ce soit. Je fais juste ça pour exprimer mes émotions. C'est une thérapie. Tout le monde commence à catcher que tous les webstars québécois reçoivent 2$ par like. Ouais, mais pas moi. Fait que ça montre que moi, gars, m'encore. C'est juste une thérapie pour les fans. Et tous mes followers ont followé moi, si c'est ça qui compte. Bon, là, enfin, j'en ai une. Vas-y, Alex, go. Question île déserte. Quel serait, selon toi, le meilleur partenaire pour survivre Seth Rogen parce qu'il faisait chaque jour? T'es carré, hein, Seth Rogen. Guillaume? Moi, j'essaie de faire un rapid fire de rapid fire. Chris, parce que ça fait 4 fois que je pige la même fucking question, man. OK, je vais faire un... Check bien le rapid fire de rapid Vas-y. Fire. Ton pire fait à la vie... Je fais référence à mon kill de tantôt. Ton athlète de sport favori, Steve Eisenman. Et oh, Pavel Bure. Mon chat capote, les papiers volent Brett partout. Hall. Android, Apple. Android, puis Apple, suck it, bitches. Batman ou Iron Man, et pourquoi? Oh. Ah, ça, c'est la question que j'aurais aimé pogner. Mais c'est qui le plus riche? Iron Man. Non, mais tu ris, mais il y a eu des articles sur Forbes par rapport à ça. Mais le vrai plus riche, c'est qui? Bonne question. Batman. C'est Black Panther. Green parce Lantern. Que Black Panther, il y a toutes Wakanda. Les sources de adamantium. Il y a les mines d'adamantium dans son pays. Moi, je vais être honnête entre vous autres, Batman ou Iron Man. J'adore Batman, mais Iron Man me fait rire. Alcoolo. Ouais. Iron Man mène la vie que tous les gars veulent mener. C'est un douche. J'ai un suit, j'ai du cash, je fous avec des belles femmes puis je bois de l'alcool qui coûte cher. Mais un bon Bruce Wayne le fait aussi. C'est juste que d'internet, maintenant que ça a été Bruce démontré. Wayne, il y a trop de troubles introspectifs. Bruce Wayne, là, dude, dans Batman... Non, mais en fait, c'est dans lequel le Batman de Nolan qui achète le restaurant puis les deux that's filles. One of the best moments ça, là, Batman, c'était un Bruce Wayne moment puis j'ai fait comme Chris... Il devrait montrer plus dans le moment de Bruce Wayne parce que le bateau, le Playboy millionnaire. Là, mais c'est vrai que Bruce Wayne, il est pas mal moins un womanizer que Tony Stark. Mais Tony Stark c'est un alcoolo avec un genre de pacemaker atomique. Ouais. Puis il sait qu'il y a tout le temps son assistante. Il est tellement caustique, c'est un sacrement. Mais le problème, c'est que le problème avec Tony Stark, c'est qu'il est toujours à un EMP pulse de crever. OK. Dernière ronde. Moi, j'ai fait un rapid fire comme qu'il a fait. Lui aussi, ça va être fait. Quel est ton film préféré? Empire Strikes Back, parce que j'adorais les Ewoks. Quelle est ta série télé préférée? Star Trek The Next Generation. Ton podcast préféré, peu importe la langue et le contenu, Radiolab. Checkez ça. Moi, je rêve d'avoir du podcasting comme ça au Québec un jour. C'est... de la radio pure et dure, incroyable. Moi je sais pas si je peux répondre à ma question. C'est qu'est-ce que tes amis pourraient nous apprendre sur toi? Hey, je l'ai moi aussi, celle-là. Qu'est-ce que vous pourriez apprendre aux auditeurs sur moi qui ne savent pas? On a-tu des amis de Milton sur le chat en ce moment? En fait, je voudrais faire un quote. Mais je ne sais pas qu'est-ce que... Je vais faire un quote de Maman Milton qui a une tendance d'embarquer dans des threads de défense. Ma mère est souvent très dans la défense. Puis elle dit que Milton est probablement très... est probablement provocateur, mais pas méchant pour 2 cents. Ouais. Cool. Alex, c'est dernière ronde. Qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta série télé préférée? Being Human, j'ai écouté ça. Ah, c'était bon ça. Au moins 8 fois. Le UK version. Ouais, pas le US version. Et Codice, non. Ok, Guillaume. Ton podcast préféré? Moi, si tu es un fan de Games Over Greggy, canafunny.com. Et série télé préférée, ça va être Suits ou Silicon Valley. Qu'est-ce que tes amis pourraient nous apprendre sur toi? Taï Fred Durst. Je suis... T'as aussi un tramp stamp? Je suis assez introverti comme personne. Je vais pas jaser trop. Je vais plus écouter puis sortir un commentaire qui va mettre tout le monde malaisé. Ton souvenir geek le plus cher, mon père qui bat Piston Honda à Punch-Out parce que je suis pas capable de le battre. Puis ton pire fail à vie. Chris. Lequel? Lequel? On avait parlé dans le 3 bières, ça, ton père qui va pester dans le dos. Ouais. Ça, c'est un des souvenirs les plus chers. T'as-tu dit PFL, Geek Collectif? Non, mais oui, Geek Collectif. Okay. Je m'excuse. Je peux pas m'excuser assez pour le collectif. Non, mon pire fail à vie. Hey, Chris. T'as pas envie de parler de relations du passé. Fuck. Fail est au singulier dans celui-là. Il aurait fallu que je mette des S. Mais mon pire fail à vie. La blonde de Milton lui a appelé et je mets un 10 là-dessus. Sans joke, je sais pas c'est quoi mon pire fail à vie. Je peux-tu piger une autre question? Bah vas-y, j'ai déterminé dans le paquet là. Et ce qui reste. The time you got diarrhea at Barnes & Noble. Mean girl quote. Mon athlète de sport préféré. Carey Price. Non, man. Baumgartner, c'est-tu? Felix Baumgartner, man. Fuck it. Il fait du sport. Non, mais est-ce que pitcher dans le vide, c'est du sport? Oui, man. You're just fucking okay. Dropping. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom du dude qui a battu son record 7 mois après? Puis, attends une minute. Le dude travaille pour Google. Je m'en calisse. Baumgartner était hot, man. Fuck that. Donc, c'était l'épisode 58 du collectif. Fini avec les mots sages, donc fuck that. Fuck that. Fuck that. Non, mais pour les gens qui voudraient vous suivre, on vous rejoint où, Milton? Ben, premièrement, vous pouvez follower le podcast sur Snapchat avec Geek Collectif. C'est moi qui s'en occupe. Fait que, on s'excuse d'avance. C'est ça. Puis sinon, vous pouvez me follower sur Zombie Milter Twitter, mon nom sur Facebook, sur Twitch, c'est Zombie Milter. Puis c'est pas mal ça. Checker Milter, il n'y en a pas tant que ça. Tu marques qui est Milter dans Google, là, puis tu cherches des images, puis c'est juste des photos de moi ou un black dude dans l'armée au Nigeria. C'est quel qui est toi? C'est moi, je suis pas le black dude, mais c'est drôle de penser que c'est moi. Eric, pour les gens qui voudraient te suivre. Ben, comme Milter aussi, Geek Collectif sur Instagram. Je vais vous montrer comment cool que c'est dans le schlag puis jouer des arcades ces temps-ci. Parce que je suis toujours ces soirées de papa cassette avec les arcades rétro gaming. Mais à part de ça, Montréalien sur Facebook, puis Montréalien sur PSN. J'ai Mortel Kombat X ici. Puis King, en tout cas, la faction de Sub-Zero, je vais te fourrer à voler. C'est ça. Guillaume, les gens qui voudraient interagir avec toi, Guillaume? Facebook, guillaume.ml. Twitter, guillaume.ml, qui est, je pense, c'est le même que Instagram et compagnie, là, Steam et autres. Carnegeek.com, geekcollectif.com. Demain, certes. Si tout va bien, si on n'a pas de problème technique, ça va être demain. Puis, c'est ça. Alex, les gens qui voudraient te suivre ou te jaser? S'il te plaît, suis-moi pas. Suis-moi pas. Wow. En fait, au contraire. Really well. That's gonna get edited. J'aimerais dire que non, si tu trouves Alex, suis-le. Suis-moi pas. Suis-le, oui. Non, je serais sur le Geek Collectif. Tu peux me trouver sur Facebook, alex.greco, mais c'est Alex avec deux A. Parce que... Alex. Alex. Alex. C'est tout. Excellent. Pour les gens qui voudraient interagir avec moi, André Paquette sur Facebook, j'ajoute pas vraiment le monde, mais j'autorise des followers. Ma vie est fucking plate. À part si tu me suis sur Instagram, Uzumaki QC. Yo, VSO Scam. VSO Scam. VSO Scam, c'est le moment de le dire. Vegan. Non, mais, Uzumaki QC sur Instagram, Twitter, Steam, PSN, whatever, on va jouer ensemble. Suivez-nous, geekcollectif.com, geekcollectif sur Twitter, facebook.com/geekcollectif, le podcast. On est un podcast d'environ 2 heures de temps, comme vous pouvez le voir. C'est des soirées arrosées entre amis. On discute de geek culture, on vous fait découvrir des choses. On plug-tu le Nacho un peu aussi? On plug le 16 mai au Nacho Libre, le troisième anniversaire du Geek Collectif. Venez avec nous, on fait pas de show live là-bas, mais par contre, on va être là, on va prendre une bière. On fait pas de show live, mais on va être show live. On va être show live probablement. Parlant de show live, j'aimerais faire un shout-out à Boldoc qui m'envoie des belles photos puis qui nous écoute présentement. J'ai peur. Il a marqué qui est Milter dans Google et il est tombé sur la photo du dude dans l'armée nigérienne puis il me l'a envoyé. Donc pour les gens qui sont en ligne, On vous invite à rester sur le Twitch dans environ 15-20 minutes. On va être online pour une joute de Mortal Kombat X qui est sortie ce soir. Pour les gens qui nous écoutent via le podcast, abonnez-vous sur iTunes. Laissez-nous une critique. Laissez-nous vos commentaires. Le maximum possible d'étoiles. Ça nous aide et ça nous récompense. Utilisez votre monnaie sociale pour partager le podcast. Twitter, Facebook, Instagram. Faites du bruit. Plus de monde qui nous écoute. Plus de raisons de boire la bière et faire des podcasts. Et Guillaume, tu sembles lever la main pour avoir un commentaire et un grain de sel. Oui, j'ai un mot de la fin. J'aimerais qu'on finisse, parce qu'on l'a oublié la dernière fois, avec Never Forget de Philippe Lalanne. Et étant donné qu'on est un genre de 2.0 de l'épisode 1, We Never Forget, c'est, ça va de pair. J'en conviens, Never Forget Philippe Lalanne? Yes, sir. Ouais. Donc, live là, Never Forget... Philippe Lalanne. 4 juillet. Do it. 3, 4. Je n'oublierai jamais cet été qu'on a passé. Never forget. Je n'oublierai jamais ce mois de juillet. Jamais cet été qu'on a passé. Never forget. J'oublierai jamais ce mois de juillet.